Bonjour, bonjour, c'est bien Bulle de rêve, l'émission de rentrée. Alors, je vais pas passer trop de temps à parler, puisque ma première invitée doit partir de suite. Mais dans pas longtemps. Donc, on va profiter d'elle et puis on fera une présentation d'émission plus traditionnelle un tout petit peu après. Je reçois deux invités aujourd'hui. Sabine Dipsy, bonjour. Bonjour. Donc, déléguée générale, j'ai appris tout ça par cœur, déléguée générale, faut dire, de l'AFCA et Yves Bouvray du festival, notamment Image par Image, mais aussi membre actif de l'AFCA. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, elle a été maligne, Sabine, parce qu'elle a dit faut que je m'en aille. C'est qu'elle sait qu'en fait, Yves est super bavard. Donc, elle s'est dit si jamais je passe en même temps qu'Yves, j'arriverai jamais à parler. D'ailleurs, regardez, il a du mal, voilà, à ne pas parler. Je suis content de recevoir Sabine. Sabine, tu étais bienvenue et l'idée était évidemment de, si possible, de faire des points de manière assez régulière, comme ça. Et puis, ben, tant qu'à faire, on est en janvier, donc c'est plutôt. Un bon moment pour faire un point en début d'année comme ça. Deux grands événements organisés par l'AFCA qui sont le Festival de Bruit et un petit peu avant la fête de l'animation. Bilan positif des deux événements. Alors, bilan positif, oui, parce qu'à chaque fois, on a quand même des retours de très positifs, aussi bien des professionnels avec qui l'on travaille que les publics. Alors, il faut faire aussi un petit distinguo entre les deux événements, puisque la fête du cinéma d'animation, c'est un dispositif national que l'AFCA coordonne donc à cette échelle-là, en se reposant sur des opérateurs locaux en région, donc des salles de cinéma, des médiathèques, des porteurs de projets, etc., qui s'emparent des propositions que nous avions fait et notamment un focus sur la Corée du Sud, cinéma d'animation de Corée du Sud et puis aussi le cinéma d'animation documentaire. Alors on a, je vais pas rebalayer l'ensemble des programmes, mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec la fête du cinéma d'animation, c'est qu'on a des structures qui pour certaines n'ont pas l'habitude de diffuser ou très peu de l'animation et encore moins sous son format court et qui là s'engagent dans un dispositif où ils sont appuyés par l'AFCA ou ils sont appuyés aussi dans le cadre de d'autres structures avec qui ils peuvent mutualiser des moyens, la venue d'un réalisateur, un atelier aussi d'initiation au cinéma d'animation. Donc c'est une véritable occasion, un, de donner un coup de projecteur sur le cinéma d'animation, aussi bien court-métrage, long-métrage, de faire circuler les auteurs. Et ça, c'est important aussi qu'on puisse appuyer ces rencontres, en tout cas entre les publics et les auteurs. Et puis, c'est leur permettre de petit à petit s'autonomiser, puisque au-delà des programmes que l'on propose, ce sont aussi des personnes qui vont eux-mêmes aller chercher des réalisateurs, s'intéresser aux studios qui peuvent être à côté de chez eux et commencer à faire venir aussi des étudiants d'une école à proximité, etc. Donc l'idée, c'est vraiment, on est sur ces deux volets-là, quoi, c'est-à-dire de s'emparer de la fête pour, à un moment donné, montrer au public ce qu'il en est autour du cinéma d'animation. Alors, question peut-être un petit peu... ouais, Sabine sait quand elle vient ici. Allons-y, façon, voilà. C'est qu'il y a quelques années, j'avais été un petit peu déçu. Je me suis rendu compte que souvent, de plus en plus de structures se basaient sur les programmes proposés par l'AFCA, par l'agence du court-métrage, et qu'il y avait moins d'envie, ou les... Alors, pire, parce que c'est intéressant, mais les longs-métrages sortis ou qu'allaient sortir peu de temps après, on va dire... Et peut-être aller moins vers justement ce que tu dis, aller voir une école à côté, dire bah tiens, si on faisait un best-of de ce que vous avez fait ou des choses comme ça, tu sens que ça bouge justement un tout petit peu et qu'il y en a plus aujourd'hui ? Eh bien oui, nous on le sent, enfin, ouais. Vraiment. Alors après, moi j'ai moins le passif des éditions précédentes, mais on se rend compte aussi que beaucoup de structures, en tout cas, nous interpellent à partir du moment où le programme est fait, juste pour nous dire bah voilà, nous on va faire ça. D'accord. Et on avance. Alors après, c'est pas la plus grande majorité. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas tel que on a formulé le bilan et tel qu'on le constate, on est plutôt sur du moitié-moitié. Ce qui est quand même assez intéressant. Bien, ouais. Mais en soi, voilà, les programmes, certaines structures prennent ceux que l'on propose et puis d'autres, vraiment, non, ne le font pas. Et puis certains, même, profitent de la fête du cinéma d'animation pour faire un mini-festival. Donc c'est le cas, par exemple, du Carré d'Art de Nîmes, par exemple, qui fait un travail formidable là-bas. Voilà, je sais qu'il y a certaines villes qui sont en train de mettre en place ce type de projet et qui vraiment se disent, bah voilà, maintenant en plus, que la fête est, se déroule sur un mois entier, donc du 1er au 31 octobre, ils ont vraiment toute l'amplitude nécessaire pour aller jusqu'au bout d'un projet, une exposition, un festival, etc. D'ailleurs, je vais faire un petit coup de pub, parce que je vais oublier, je suis désolé, Dominique Millard, donc, qui s'occupe évidemment de l'animation, Anime Canadien, je ferai une conférence sur Shakespeare et le cinéma d'animation à l'intérieur des écrans britanniques, puisqu'elle pousse, et ça fait un gros boulot, elle pousse à chaque fois qu'il y a un événement, on va dire même autre que l'animation, de mettre de l'animation dedans. Donc là, je suis content, c'est moi, mais évidemment, elle le fait chaque année, c'est vrai qu'elle essaye de pousser ça. Est-ce que tu sens quelque chose qui... Je sais pas, que les médias bougent un tout petit peu plus, les médias un peu plus généralistes se mettent avec les gros succès qu'on a en long métrage. Je parle, évidemment, on le sait bien, pas les derniers films sont sortis, mais en tout cas, les Minions, enfin tout ça, ce genre de choses qui, évidemment, il y a toujours cette espèce de touche française derrière. Est-ce que tu sens qu'il y a, je sais pas, qui viennent un peu plus à la fête de l'anime, qui vous posent plus de questions, vous, à l'AFCA? Alors, la deuxième question, c'était est-ce qu'ils viennent un peu plus à l'AFCA? Oui. Oui, typiquement, moi j'ai été interrogée par le film français, je suis passée à Europe 1 aussi. J'ai vu ça, ouais, c'est pour ça que... et d'autres médias, et je pense qu'il y a un véritable intérêt sur le cinéma d'animation et le fait que la France est très très bien positionnée dans le secteur et le fait rayonner au niveau international. Concernant l'emprise sur la fête du cinéma d'animation, c'est encore autre chose, parce que on est sur un dispositif national, on n'a pas la force de frappe d'un jour le plus court ou d'un mois du doc, hein, très clairement. Donc à partir de là, on se repose plutôt sur les opérateurs locaux qui vont eux-mêmes travailler avec leurs propres contacts presse médias. Donc je pense qu'il y a encore en tout cas un travail à opérer de ce point de vue-là. Peut-être aussi de la difficulté sur la fête, c'est qu'on n'est pas... on avait fonctionné avec des invités d'honneur qui avaient été exemplaires en tout cas dans le travail autour du long-métrage aussi. Bon, ça commence à se limiter si on veut avoir quelqu'un qui ait d'expérience autant dans le court-métrage que dans le long-métrage. Donc c'est à nous de repenser aussi une formule, quelque chose qui puisse être attractif et cohérent avec nos envies pour attirer les médias et faire en sorte qu'à un moment donné ils puissent s'intéresser à ce qui se passe partout en France. Enfin, la fête du cinéma d'animation, on est autour de 500 événements, c'est pas rien non plus. Donc je pense qu'à l'échelle de nos moyens, bien évidemment. Donc là, il y a encore un gros travail à faire pour mettre un coup de projecteur auprès des médias. Un peu plus important. Ouais. Fête de l'animation, tu disais... Alors, la fête de l'animation, elle ne peut pas bouger, puisque évidemment, il y a le 28 octobre, on reparlera de Bru un petit peu plus tard, du Festival National. Là, évidemment, ça doit être autour du 28, sinon ça n'a plus, c'est ça. plus le même intérêt. Tu parlais peut-être de revoir, alors on est en janvier, donc c'est encore très loin, évidemment, tu vas pas nous divulguer aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des pistes qui te semblent intéressantes, peut-être partir, je sais pas, d'avoir un sujet fort, par exemple, une technique, une thématique, qui pourrait... Alors, il faut aussi noter une chose, c'est que en tout cas sur cette année, sur les 15 ans de la fête. Donc, c'est une édition anniversaire. Donc, qui dit anniversaire dit rétrospective. Donc, je n'en dirai pas plus. À partir de là, il y aura bien évidemment une thématique forte, parce que je pense que c'est aussi important de pouvoir proposer aux porteurs de projets, à un moment donné, de quoi attirer plus simplement aussi les publics, parce qu'elle est là la difficulté. Hein. Ceux qui s'emparent du cinéma d'animation sous son format court, sont des programmes de court-métrage, surtout quand ils le font pour un public adolescent ou adulte, prennent un risque et travaillent. C'est le résultat du travail qu'ils mènent tout au long de l'année avec leur public. Et nous, il faut qu'on les accompagne aussi sur ces questions-là. Voilà, en tout cas, les partenariats vont se remettre en place, notamment avec l'Institut français, avec l'Agence du court-métrage. Donc, une thématique, une rétrospective. Pour le reste, ce sera la surprise. Ok. Bru, Festival de Bru, pareil. Est-ce que c'est la combien d'éditions? Oh là, alors ça dépend. En Bretagne ou... Non, juste en Bretagne. Juste en Bretagne, c'est la sixième. Sixième édition. Est-ce que on arrive à un moment donné où là on se dit ça y est, c'est encore plus implanté qu'avant, on sent qu'il y a quelque chose qui frémit à chaque fois qu'on arrive là-bas et on se dit la ville bouge un petit peu plus, ou en tout cas, je ne permettrai pas de dire ça à des Bruxois qui bougent pas toute l'année, mais en tout cas, qu'ils aiment ce festival. Moi, ce que je trouve intéressant et passionnant à Bru, c'est que on a vraiment donc encore plus de bénévoles qui ont participé à cette édition. Ils étaient 90 l'année dernière, ils sont 120. Sur l'édition 2015. Et c'est pas simplement des bénévoles, c'est des personnes qui, je le dis souvent, en tout cas, qui deviennent eux-mêmes ambassadeurs du cinéma d'animation. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant 5-6 éditions dans les pattes, ils en ont vu du court-métrage. Ils sont en capacité aujourd'hui, avec les nouveaux arrivants, les nouveaux bénévoles, de dire non mais attends, tu vas voir, il y a ce film-là, ce réalisateur, mais il faut que tu vois cet autre film, ça m'a fait penser à ça, etc. Ils deviennent eux-mêmes ambassadeurs, ils deviennent en plus, d'un point de vue plus large, je vais dire plus social, ils s'impliquent dans un événement culturel fort de leur ville, et ça je pense que c'est important aussi de le noter tel quel. Ils s'impliquent parce que ils sont là à l'année, ils travaillent sur la décoration, ils travaillent pour certains, ils font des petits films d'animation, parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place en termes d'ateliers d'une année sur l'autre. Ils hébergent aussi les invités, les réalisateurs chez eux, et ça, ça donne une convivialité, une proximité qui est assez rare, je pense, dans les festivals, et c'est ce qui est précieux. Après, on est aussi sur une ville, Bru, voilà, mine de rien, c'est un festival un peu neuf à Bru. Enfin, 6 ans, c'est pas énorme, c'est pas une habitude que d'avoir de l'animation sur ce territoire-là, donc c'est à nous aussi de travailler et de développer nos rapports avec les publics, et aussi les publics rennais, bien évidemment. J'enchaîne, d'accord. Non, j'ai une question. Tu m'as vu noter, donc en disant j'ai une question, mais elle correspond à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, l'univers est placé. C'est-à-dire, je pense qu'en effet aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord. J'essaie d'éviter de t'en montrer les arrives pour pas qu'ils prennent trop la parole. Il aura une heure pour parler, bien sûr, et on reparlera de ça, bien évidemment, avec lui. Mais c'est vrai que moi qui ai la chance de pouvoir venir depuis quelques années maintenant, quasiment depuis le début à Bru, en effet, on sent, et je le faisais remarquer gentiment sur scène, que justement ces bénévoles étaient assez extraordinaires et qu'il y avait quelque chose d'assez fort par rapport à ça. Est-ce que tous les invités, parce que j'entends souvent ça dire, ah, il n'y a pas assez d'hôtels, est-ce qu'on a une problématique des fois d'invités qui peuvent se dire, mais moi je veux être à l'hôtel et je veux pas forcément être chez les habitants, même si, encore une fois, moi je trouve ça assez exceptionnel d'être... On n'a pas été vraiment confronté à cette question-là. Enfin, on n'a jamais été limité en termes de capacité d'accueil, aussi bien à l'hôtel que chez l'habitant. C'est la libre choix, libre appréciation des invités en général. Enfin, on a aussi cette chance-là. En tout cas, ça fait aussi la particularité du festival, c'est que là aussi, en plus des bénévoles, on a eu plus de professionnels qui sont venus, liés notamment aux focus qui ont été mis en place sur cette édition, et on a un retour assez formidable de leur part. Moi, je parlais vraiment de gens qui justement connaissent. Est-ce que les gens du film français, tous ces médias-là viennent, se disent bah ouais, moi ça m'intéresse de venir deux jours, je suis invité, puis en plus c'est pas grave que je sois chez l'habitant, etc. Ou il y a, alors peut-être que j'en sais rien, peut-être que ils vous contactent pas, ou je me dis est-ce qu'il y a un snobisme de ces gens-là, ou j'ai pas l'impression de les voir. Alors peut-être qu'ils n'arrivent pas beaucoup sur l'anime. Que je parlerai pas de snobisme. Je pense qu'il y a une question d'identification, mais qui est, je pense, faite à l'heure actuelle. Ils savent que le festival existe, qu'il se met en place, qu'il se développe. Je pense qu'il y a un problème au niveau des dates du festival, mais ça, on en parle. Et puis, je pense qu'il y a un moment donné, il faut créer le déclic. C'est-à-dire que c'est aussi à nous, à AFCA, de travailler avec ces personnalités-là, avec ces médias-là, et c'est corrélaire à ce que j'ai dit sur la fête du cinéma d'animation, c'est être en capacité à un moment donné à aller plus loin que juste d'entendre ah oui, j'ai entendu que c'était très bien Bru, faudrait que j'essaye de venir une année, etc. Et à un moment donné d'être en capacité de les relancer et de les faire venir spécifiquement. Alors justement, pour parler de ça, alors allez, parlons-en maintenant, la date. En effet, ça fait lourd, mais même pour vous, même pour l'AFCA, c'est à d'avoir tout octobre et début décembre, c'est à d'avoir deux gros événements, les deux plus gros événements de l'AFCA, quasiment au même moment, ça doit être... C'est assez lourd, c'est dense, on est en flux tendu en permanence, ce qui en plus ne veut pas dire qu'on est sur une période beaucoup plus calme par la suite, sur la période de janvier à juin, puisqu'en fait on doit préparer les deux événements en même temps. Donc d'une certaine manière, en tout cas, il y a une méthodologie à appliquer, et il y a une réflexion qui est en cours actuellement pour éventuellement changer les dates du festival, mais on ne change pas les dates d'un festival comme ça, il faut en parler avec l'ensemble de nos partenaires, avec l'ensemble des événements culturels qui se déroulent sur le territoire en fonction de leur date. Donc voilà, donc c'est un travail en cours, et on verra si on parvient à aller jusqu'au bout. On peut imaginer Je sais pas, parce qu'en plus c'est pas évident changer aussi en mai. J'imagine même c'est pas les mêmes personnes que Cannes, on va pas le mettre en mai, on va pas le mettre en juin puisque il y a Annecy, ça serait quand même délirant. C'est bien que juillet août c'est pas une date facile. Février, janvier, février entre Clermont, image par image, Anima. Ouais, ça en plus ça laisse pas beaucoup de place quoi. Ça nous laisse aller avril à peu près. Par exemple. Ouais, à peu près. Hein. Non, j'essaie, je demande, j'essaie de comprendre. J'ai le droit de rire dans bonne le micro. Déduction, hein. Bonne déduction. Alors je vais dire quelque chose sur lequel tu ne peux pas réagir, parce qu'à faire un festival, c'est aussi bien sûr politique. Il y a eu un changement, évidemment, de maire à Bru, et qui s'est fait lire notamment sur le fait de ne pas construire sur une place qui est là un cinéma. Un cinéma devait être construit avec pas mal de salles. Est-ce que ça, c'est dommage pour le festival? Est-ce que l'idée d'avoir, même si c'est un très beau lieu, d'avoir ces deux écrans, surtout un écran et un petit écran, est-ce qu'on se sent un peu contraint des fois de dire « Ah, j'aimerais faire telle rétrospective ». Il y a trois écrans, j'exagère, parce qu'il y a en effet faille qu'un peu plus loin, c'est moi qui suis snob, c'est trop loin. Est-ce qu'il y a de ça? Est-ce que des fois vous dites, ah non mais ça on peut pas, on n'a pas la place, on peut pas faire deux fois le même programme, on va la présenter qu'une seule fois, on sent... Je pense qu'à l'heure actuelle, oui, on agit et on construit nos programmes en fonction de ces contraintes d'infrastructure, c'est assez sûr. Après, à l'heure actuelle, je pense que la taille du festival fait que on s'en sort plutôt bien sur ces questions-là. Je vais pas revenir sur la question des salles de cinéma parce qu'il y a aussi un autre. Il y a eu un cinéma qui devait s'installer aussi et qui ne s'installe plus du côté de la gare. Ouais. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux sur l'implantation des salles de cinéma sur le département. Donc bon, en tout cas, oui, c'est sûr qu'on n'a pas un choix large en termes d'écran, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à imaginer, une autre façon de construire une grille de programme. Une autre façon de gérer la temporalité d'un festival aussi. Est-ce qu'on reste sur une semaine? Est-ce qu'on réduit à 4 jours aussi? Enfin, c'est des réflexions qui sont en cours. Est-ce que le public, est-ce que là, par rapport au chiffre d'audience, enfin on dit pas chiffre d'audience, en tout cas, est-ce que le public est un peu plus nombreux? La fréquentation. Plus nombreux. Merci beaucoup, la fréquentation. C'est terrible ce terme, j'arrivais pas. Est-ce que la fréquentation en salle est stable, elle augmente un petit peu, enfin comment elle, ça elle se est plutôt passe stable, il n'y a pas eu d'augmentation. Ouais. Voilà. Après, on est aussi sur une période, et comme tout le monde le sait, avec une actualité assez forte, hein, puisqu'on était quasiment 3 semaines après les attentats du 13 novembre. Ouais. Donc ça joue aussi un peu là-dessus. Mais on est plutôt stabilisé depuis 2-3 ans, on est stabilisé, oui. Donc plutôt content de Bru, plutôt content du festival, plutôt contente et l'envie d'aller plus loin. Surtout. Est-ce que le temps passe vain, on n'a plus beaucoup de temps ensemble, est-ce que Sabine Zipsi est contente d'être à l'AFCA, à la tête de l'AFCA, même si on sait, il y a Denis Valgenwitz qui est largement plus haut, qui brille dans son firmament, mais est-ce que ça fait quoi? Ça fait combien de temps que tu es à la... Un an et demi. Est-ce que, t'es content d'être là? Oui, je suis contente. Non, parce que c'est pas facile tous les jours. Je m'en cacherai pas. Il y a un véritable challenge, mais à plusieurs titres, aussi bien autour de la fête que du festival. Mais il y a une équipe qui est présente et avec qui on travaille, quotidiennement pour asseoir ces événements, pour développer les activités de l'AFCA. Moi, j'ai la chance et je le dis très souvent d'être passionnée par ce que je fais. Et je pense qu'il y a pas tant de gens que ça qui sont passionnés par leur métier. Donc c'est un challenge, c'est parfois un peu tendu, un peu dense en termes de temps de travail et de masse de travail, mais c'est très stimulant. Si je demande ça, c'est parce que vous êtes quand même, et peu de gens, ça, vous êtes très peu. Je parle là vraiment qui travaille à longueur d'année à l'AFCA, vous êtes quoi? 5,5. Ce qui n'est pas énorme. Non. Pour faire, même s'il y a en effet des personnes qui soutiennent, etc. S'il y a le politburo mis en place avec Yves, etc., qui viennent et qui donnent leur avis et ce genre de choses. Mais est-ce que. Non, c'est vrai, encore une fois, souvent on dit. Les gens peuvent râler en disant, ah, mais l'AFCA, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et je crois qu'ils ne se rendent pas compte non plus, finalement, du peu de moyens. Aujourd'hui, quand même, qu'à l'AFCA, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, les événements dont on a parlé ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Là, je viens de finir le rapport d'activité 2015. Eh ben, c'est assez conséquent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, au-delà de la fête et du festival, l'AFCA aussi gère un centre de ressources. On a eu en moyenne 80 sollicitations à l'année. Une sollicitation, ça peut aller de 1 heure à 2 journées de rendez-vous, de recherche, etc. Répondre aux médias, par exemple. Voilà, je suis allée à Europe 1, bah, ça m'a pris. On parlait des Minions. Une de pour pas oui pour alors j'ai ils ont la, gardé la, qu'une partie. La vidéo est sur internet. Ils n'ont on parle de choses plus intéressantes quand même à Radio Libertaire. Il y a pas à le dire. Non, j'avais pu parler des écoles, des sorties de films en octobre et bon, le podcast n'a pas été sélectionné en son intégralité. Voilà, il y a aussi l'édition de la lettre qui est quand même un média semestriel qui demande beaucoup de travail mais que on arrive à mener parce qu'on met en place un comité de rédaction. Donc coordonné par Cécile. Ah, je pensais à la lettre de Serge Elissal et ça fait un peu réaction aussi. Oui, voilà. Donc c'est heureusement, en fait, on est peu nombreux, donc c'est vrai. C'est difficile, c'est une charge de travail qui est assez énorme. Faut pas le cacher. Et j'espère en tout cas à l'avenir pouvoir développer l'équipe pour pouvoir un peu temporiser cette lourdeur à la tâche. Mais on est fortement accompagné par le conseil d'administration et je ne dis pas ça parce qu'il y a un membre autour de cette table, mais parce qu'ils sont présents, ils sont réactifs et on met en place aussi différents groupes de travail qui nous permettent d'avancer et d'avoir aussi un regard extérieur sur l'ensemble de nos activités. Et là, c'est vrai que sur 2016, il y a des nouveautés qu'on va mettre en place. Notamment, on va, avec le succès qu'ont eu certaines rencontres pour les professionnels et pour les étudiants dans le cadre du Festival à Bru, on va mettre en place des rencontres professionnelles, notamment comment pitcher son projet. Donc, ça va accompagner des jeunes porteurs de projets ou des étudiants encore en études pour savoir comment est-ce qu'on raconte son projet, quoi. Et surtout, quand on soit auteur graphique ou même, par exemple, juste scénariste, c'est aussi intéressant de pouvoir les accompagner là-dessus. On va aussi mettre en place, alors ça, c'est des choses qui sont en train de se confirmer, mais une rencontre sur les statuts dans le cinéma d'animation. L'intermittence. Je vois les statues. Oui, ouais, oui, tout à fait. C'est plutôt pas mal, les statues. J'étais en train de dire, c'est intéressant. Ok, pardon. On n'est pas aussi pointu pour ce genre de choses. Non, c'est-à-dire, voilà, régime de l'intermittence, régime général, la maison des artistes, etc. En tout cas, d'aller un peu plus loin sur les actions que l'on propose pour nos adhérents, puisque la priorité est donnée à nos adhérents et surtout pour les étudiants. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer juste une petite chose, mais après j'aimerais que tu nous dises justement les petites choses de 2016 qu'on pourrait voir en 2016. Juste, est-ce qu'il y a l'idée à un moment donné, malheureusement par exemple, on peut pas adhérer à l'AFCA en ligne, c'est impossible, faut imprimer, etc. Est-ce que il peut y avoir des facilités à un moment donné d'arriver, alors à Bru on peut adhérer, il y a des gens qui ont adhéré à Bru, voilà, on a un papier. Est-ce qu'il y a il y aura un peu de facilité, puis peut-être une petite campagne relayée par les écoles, relayée pour dire ben ça peut être intéressant, c'est pas si cher que ça d'adhérer à l'AFCA, regarde on fait ça peut être pas mal. Bah oui, ça fait partie de nos projets. Après, encore une fois, ça demande du temps. Donc elle est là la difficulté, c'est-à-dire que ça fait mais même depuis plus d'un an on en discute, c'est-à-dire d'aller se déplacer dans les écoles, d'expliquer ce que fait l'AFCA, etc. En plus, l'adhésion, elle n'est pas très onéreuse, parce que c'est 15€ pour les étudiants, pour une année, et c'est de date à date. Donc en plus, on peut adhérer même en décembre, il n'y a pas de souci. 35€ pour les individuels. Donc oui, ça fait partie de nos envies. Je pense qu'on va se reposer notamment sur les personnes qui enseignent dans ces établissements-là, pour aller les voir et leur dire, voilà, est-ce que je peux te prendre 20 minutes à un moment donné sur ton cours pour présenter un peu ce que fait l'AFCA, présenter ce cycle de rencontres professionnelles qui va se mettre en place prochainement, et puis avancer comme ça petit à petit. Et puis l'idée, c'est aussi que les adhérents actuels de l'AFCA en tout cas soient aussi en capacité d'être des ambassadeurs eux-mêmes, et je pense que ça, c'est possible. Je pense que chaque adhérent est en capacité de ramener lui-même 10 nouveaux adhérents, et à partir de là on peut être très très nombreux. Mais oui, dans les écoles, dans les studios, un petit peu partout, même si je crois que j'ai honte parce que je suis pas sûr d'être à jour de ma cotisation, mais ce n'est pas grave, on fera ça très rapidement. Allez, tu dois partir rapidement. Qu'est-ce qu'on peut justement, alors on a parlé de beaucoup de choses, des bilans, qu'est-ce qu'on peut avoir en 2016? Il y aura de toute façon, a priori, on croise les croisés de droit Bru, bien sûr. Oui. Il y aura la fête de l'animation. On a parlé un petit peu avant d'un événement, je ne sais pas si on peut déjà en parler un tout petit peu. On peut tout à fait en parler, en mars. Puisque, alors tout le monde ne le sait pas, mais l'AFCA a deux bureaux. Quand je dis qu'on est 5,5, en fait on est 3,5 à Paris et 2 à Bru. Voilà, c'est notamment deux personnes qui travaillent à l'année sur le territoire breton. Et il s'avère qu'on a obtenu, en répondant à un appel à projet, à une carte blanche au Champ Libre. Alors, les Champs Libres, c'est un grand édifice culturel, un peu comme le Centre Pompidou à Paris, qui abrite différentes structures, donc une médiathèque, une cité des sciences, des salles de projection, un hall, un café, etc. Ça s'appelle les Champs Libres. Oui, mais c'est. Et l'événement, dans quelle ville? À Rennes, pardon. C'est un peu un quiz. C'est pas à Bru, c'est pour ça, voilà. C'est pour que les gens savent, en effet, que d'accord. C'est à Rennes. Donc, vous, Rennais, ou même toute personne de France, venez, puisqu'on va proposer, donc, le dimanche 6 mars, dans le cadre d'un événement qui s'appelle les premiers dimanches au Champ Libre, une après-midi entièrement consacrée au cinéma d'animation. C'est une demi-journée que l'on a intitulée les mondes animés et qui va vous permettre d'explorer l'ensemble des techniques du cinéma d'animation à travers des ateliers, des projections, des installations et quelques interventions. Oui, plein de choses. Il y a Momoko Seto, tu m'as dit des choses, et Rossi Animé. Enfin, il y a, voilà, il y a aussi des projections, des ateliers. Enfin, on peut venir avec les enfants qui pourront être dans un atelier, les parents pourront aller ailleurs regarder des films. Il y aura des mini-conférences. Aussi bien sur du numérique, sur des choses très artisanales. L'idée, c'est qu'il y aura vraiment de tout. Essayer de balayer de tout ce que représente le cinéma d'animation. Alors, il y aura pas de projection de long métrage, mais on travaillera sur des teasers, des making-of, des bandes-annonces, etc. Et l'idée, c'est de redire encore une fois, et de le réaffirmer, le cinéma d'animation, c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes, et il y en aura vraiment pour tout le monde. On n'aurait pas ce que peut venir là-dessus, mais un petit dernier mot, il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit, que tu aimerais dire à ce micro, je ne sais pas, sur peut-être un événement, ou en 2016, ou quelque chose, je ne sais pas. Il te reste, tu m'as dit qu'il fallait que tu partais sur 30, il reste à peine 2 minutes. Je vais pas te poser une question, non? Que dire? Non, là, on a déjà balayé pas mal de choses. Ouais, donc c'est rapidement, il y a un vrai optimisme par rapport à ce qui se passe dans le monde de l'animation et ce que les gens regardent autour, que ce soit dans le monde de l'animation ou à l'extérieur du monde de l'animation. Tu sens que, ouais, il y a des choses qui sont en train de se passer, d'évoluer, d'avancer. Oui, je pense que là, ça bouillonne un peu, même beaucoup. Et je pense que là, le public qui n'est pas un habitué du cinéma d'animation est en train d'être interpellé et commence vraiment à se poser des questions. Voilà, on a la sortie en salle des différents longs métrages français, notamment en octobre-novembre. Là, le dernier, donc Tout en haut du monde en janvier. Qui a marché, oui. Voilà, et puis il y a Anomalisa aussi qui va sortir. Je pense qu'à un moment donné, il y a une forme de curiosité qui est en train de se créer et qu'on est en train d'ouvrir un plus large public, et je pense qu'il faut s'y engouffrer et aller de l'avant. Merci beaucoup Sabine d'être passée aussi rapidement. J'avais peut-être un invité qui était prévu. Sabine gentiment passe, donc merci beaucoup. Je vais demander à Nicolas, bien sûr, on va faire comme d'habitude. C'est le numéro 2 et c'est celui qui a marqué live à un moment donné. Tu le vois, c'est le premier, je pense. Voilà. On va écouter un morceau qui est normalement meilleur en cover live from the Twingo. Ouais, je sais, il y a quelques personnes qui pourront comprendre. Mais c'est un petit morceau, un petit peu clin d'œil et dédicace. Et vous l'aurez juste en live, mais live là, dans une plus grande surface et avec. Les chanteurs, la chanteuse originale, alors que moi je les connais avec deux chanteuses incroyables, mais je ne vous en dirai pas plus. On écoute ce morceau et on se retrouve après. À tout de suite. Different kind of danger. that stuff was with a really valuable lesson, was as being subversive. And if I can encourage you to do anything in your careers tonight, is to do as much subversive stuff as you can. When I walked away from... Voilà. Hey, on est en ligne. On est en ligne, on est en direct. J'ai eu à un moment donné doute d'un seul coup. On est en direct. Bulle de rêve, bien évidemment, l'émission 100% cinéma d'animation. Comme toujours, bien évidemment, uniquement sur Radio Libertaire. Je vais prendre un petit peu plus mon temps maintenant de présenter évidemment l'émission et de faire mon petit topo. Le générique qu'on a entendu était Sowing the Seed, qui vient évidemment du film Furio. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Mr. Lawrence, on n'a pas eu d'émission depuis. C'était un petit hommage à David Bowie. David Bowie, en tant qu'aussi passeur et créateur d'images. Alors là, dans Merry Christmas, Mr. Lawrence, il est lui-même évidemment acteur, mais on se rappelle évidemment l'utilisation sublime de Modern Love par Carax dans Mauvais Sang et plein d'autres choses. Donc voilà, il y avait ça. Florence and the Machine, qu'on a entendu dès là et là. Oui, on peut en écouter des morceaux comme ça, un peu des tubes sur Bulle de Rêve, comme je disais, hein, très très très belle version la live, même si la cover live from Twingo est superbe aussi. Un jour je vous la ferai entendre, promis. Et juste après on a entendu Phil Tippett, grand auteur de d'effets spéciaux, pardon, et qui est un personnage évidemment très très important, hein, Phil Tippett, Star Wars, etc., etc., qui lors des Annie Awards, vous l'entendez, disait il a fait beaucoup de choses très classiques, enfin pour Hollywood, etc. Et là, il dit bien, la seule chose que je peux vous encourager à faire, c'est de faire les choses les plus subversives possibles dans votre carrière. Puisque on est encore le 30 et que, évidemment, Bulle de Rêve fait sa rentrée, que je peux vous souhaiter une très bonne année à tous avec plein de bonnes choses, plein de rencontres extraordinaires. J'aimerais porter un petit coup de gueule. Pas méchant, mais un petit coup de gueule aux gens de l'animation que j'aime, hein, puisque c'est mon milieu. Être subversif, ça veut dire aussi ne pas se laisser aller à ce que les gens autour nous obligent d'être. Et c'est pas parce que, évidemment, on l'a entendu tout à l'heure, c'est pas parce que souvent les gens croient encore malgré tout que l'animation est faite pour les enfants, qui doivent être dans un carcan. On doit rester dans ce carcan-là. Quand Satoshi disait que c'était le monde de l'animation qui imposait des règles au cinéma d'animation, et c'est vrai encore aujourd'hui. Je suis prof dans pas mal d'écoles et j'entends mes étudiants qui me disent que souvent on leur oblige à dire, mais pourquoi tu l'as fait en animation? C'est quoi ton but? Pourquoi tu le fais en animation? Quelle est la phrase la plus con qu'on puisse dire à un étudiant? Pourquoi on le fait en animation? Est-ce que c'est quelque chose que je dis souvent, pareil, aux étudiants? Est-ce qu'on dirait à Picasso, est-ce que pourquoi tu fais Guernica en peinture et tu le ferais pas en sculpture? Personne n'aurait osé dire ça. Est-ce que voilà, quelqu'un va aller aux gens, devant les gens de la Fémis et leur dire ouais, en prise de vue réelle, c'est pas si mal, mais je te promets, en animation, ça aurait plus de gueule. Personne ne dit jamais ça. Pourquoi nous, on s'impose des règles à la con comme ça et qui en plus empêche le cinéma d'animation d'aller plus loin? On est dans un moment donné qui est extraordinaire pour le moment de l'année, pour le cinéma d'animation. Je pense qu'on n'a jamais vécu ça aujourd'hui. On a droit à des films incroyables qui sortent, des longs métrages très créatifs, on l'a dit. Et c'est vrai que moi, des écoles puissent imposer à leurs élèves et qu'ils puissent leur dire, mais non, là, il n'y a pas une métamorphose, là, il n'y a pas un jeu graphique, là, il n'y a pas quelque chose. Quand Satoshi disait, mais moi, je suis dessinateur, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse des films en prise de vue réelle, avec des acteurs, je ne serais peut-être pas forcément un bon directeur d'acteur. Non, je suis en animation. Et ce n'est pas parce que je suis en animation que je ne dois pas parler de choses qui sont autour de moi et que je sois obligé de faire des robots, des explosions, des métamorphoses. Ne nous méprenons pas, mon coup de gueule fait que j'adore évidemment les métamorphoses. Quelqu'un, un énorme réalisateur, c'est l'un des plus grands réalisateurs à l'heure actuelle dont on parlera, Keiji Yamamura par exemple, évidemment utilise l'animation pour la beauté de l'animation et pour ses transformations, ses métamorphoses, jouer, faire des jeux graphiques, et c'est extraordinaire. Et évidemment j'adore ça, c'est aussi ce qui m'a mis dans le cinéma d'animation. Mais je pense que il va falloir arrêter aussi d'un seul coup de se dire pourquoi on ressemble soi-disant la prise de vue réelle, pourquoi on ressemble pas, pourquoi on fait un mouvement de caméra comme ça. L'animation et le cinéma d'animation, c'est aussi du cinéma, et donc à partir de là, il y a une vraie importance de ne pas se soucier finalement uniquement que de l'animation, mais du cinéma aussi, du mot cinéma. Pour finir ça, et j'encourage tous les gens, j'espère qu'ils m'écoutent, quand on dit subversif, voilà, d'être dans la subversion, c'est ça. Sincèrement, est-ce qu'on pouvait imaginer que les Oscars allaient nous donner une leçon d'être subversif comme ça? Les Oscars, on parle bien d'Hollywood. Regardez, incroyable, les Oscars du long métrage ont été annoncés. Alors, court métrage, c'est comme d'habitude. Alors, les Césars ont suivi de manière assez étonnante. 5 longs métrages sont nominés aux Oscars. Bon, vice versa, Inside Out, le Pixar, c'est lui qui va gagner 250 millions d'euros. Bon, on passe. Les quatre autres, c'est quoi? C'est Souvenir de Marnie, le dernier long métrage de Ghibli, qui est un film quand même un peu noir, en tout cas qui est pas, voilà, c'est pas non plus plein de monstres, plein de choses comme ça. C'est une vraie réflexion. Shaun le Mouton, film européen, alors enfin avec un peu plus d'argent, mais quand même. En volume, l'autre est en animation traditionnelle, volume, assez drôle, voilà, mais avec un humour aussi un petit peu anglais. Le Garçon et le Monde, film incroyable, j'espère que tous les gens qui nous écoutent ont vu, film d'Ale Abreu, film brésilien, voilà, qui a coûté 300 000 dollars et qu'il a fait dans son pays, etc., avec un film, alors, je veux dire, qui devrait être estampillé, alors là, encore plus radio-libertaire, parce que c'est, je pense qu'on fait pas mieux pour les enfants et pour leur montrer ce qu'est le monde autour de nous et justement aussi comment essayer d'aller au-delà de ce monde terrible aussi qui est, voilà, qui enfouit l'homme, et alors au niveau de l'esclavagisme, du travail forcé, enfin voilà, ce genre de choses, des cadences, enfin c'est vraiment un film magnifique et en plus visuellement et graphiquement qui est juste à couper le souffle. Et le dernier film, c'est Anomalisa. Anomalisa, c'est co-réalisé par Charlie Kaufman, hein, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Dans la peau de John Malkovich, qu'il a co-réalisé. C'est un film étonnant, là aussi en volume, en marionnette, et qui raconte l'histoire d'un homme qui pose des questions à un moment de sa vie sur le choix qu'il a pu faire à un moment donné et voilà les gens qui sont autour de lui et le film, je sais pas s'il est complètement réussi, mais le film est passionnant, il est fascinant, il a, enfin voilà, ça montre quelque chose de l'animation et c'est un film qui a commencé en crowdfunding, c'est-à-dire qu'il a cherché de l'argent plutôt que de passer par des studios sur internet. Alors oui, c'est Charlie Kaufman, il en a eu, c'est sûr, mais d'un seul coup on a quelque chose d'assez étonnant. Et même les Césars, Il nous sélectionne, alors oui, Le Petit Prince, bon, c'est comme ça, mais il nous sélectionne Adama, et il nous sélectionne, même si on est tous beaucoup embêtés, évidemment, Phantom Boy ne soit pas en lice, mais il sélectionne aussi, ça y est, j'ai un trou de mémoire, le troisième, non, pas Tout le Temps du Monde, qui n'était pas encore sorti, c'était le troisième qui est sorti l'année dernière, Avril et le Monde Truqué, qui est quand même un film, moi je pense, coupé vers la fin, mais en tout cas passionnant pendant tout le début, avec l'univers de Tardi, avec des choses passionnantes, donc vous voyez, voilà. Faut qu'on arrête dans le monde de l'anime aussi, nous imposer des choses, puisque le monde à l'extérieur nous montre à quel point il faut qu'on aille vers autre chose et à quel point d'ailleurs ils aiment ça. Donc, s'il vous plaît, continuez ou en tout cas foncez dans la subversion. Il n'y a rien de plus important. Je sais pas si tu veux réagir un tout petit peu, Yves, par rapport à ça ou. Ouais, non, sur Anomalisa qui est vraiment un très beau film, hein, que moi j'ai découvert à la clôture là, du Carrefour de l'animation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on voit sur le générique de fin du crowdfunding, c'est que des noms américains. Il n'y a pas un nom que je connaissais d'un copain de l'animation française. Il est vraiment été monté aux États-Unis. Il est passé sous les radars, si je peux prendre cette expression. Ouais. C'est-à-dire que personne n'a vu arriver. Comme tu dis, il a trouvé 300 ou 400 000 dollars, et ensuite il a trouvé un producteur, et ensuite une sorte de magie, un peu comme sont capables les Américains de mettre en place pour une sorte de montée en puissance, quoi, de communication. Évidemment, ils auront dépensé beaucoup plus de budget de communication que le budget pour faire le film, mais c'est assez étonnant de voir que aussi, comme Ale Abreu en Amérique du Sud, comme eux aussi sont capables de monter sous le radar des projets de façon très humble. Et du coup d'arriver à produire des œuvres avec un moule unique qui est cassé à la fin, ce qui ne refera pas de deuxième film comme ça, évidemment. Et du coup, c'est souvent à la fois notre talon d'Achille en France et en Europe, et notre force, c'est-à-dire d'avoir des œuvres complètement différentes avec des auteurs graphiques, des créateurs tout à fait originaux qui maintenant en plus arrivent des écoles d'animation françaises dans une forme d'excellence, La Poudrière, etc. Et c'est assez génial de voir ça, c'est-à-dire que c'est une sorte de pied de nez à la mondialisation, c'est-à-dire qu'il y a une remontée, enfin, entre guillemets, de terrains locaux qu'on ne voit pas venir, et là c'est particulièrement surprenant pour ce film-là. Et vraiment, alors donc, on pourrait finir en disant animateur, étudiant, producteur, etc., unissez-vous, et vraiment, sincèrement, l'animation aujourd'hui... il faut arrêter de se plaindre, on a une chance incroyable, et oui, comme je le disais souvent... Malheureusement, peu de chaînes de télé peuvent produire des bonnes séries télé. Elles ont la trouille. Ça veut dire que ces gens-là sont pas d'ailleurs intéressants. Mais il y a l'angoisse d'auditeurs, de soi-disant téléspectateurs. Je crois qu'il faut passer au-delà de ça. Faites vos séries vous-même. Oui, il faut à un moment donné arrêter. On est un peu gâtés en France. Et faut le dire quand même par le CNC, par les associations qui donnent de l'argent. Et c'est génial. Et heureusement qu'on a ça. Il y a rien de plus important, en tout cas pour moi, qui suis là derrière ce micro, des artistes. Quand je parlais de David Bowie, c'était pas uniquement David Bowie. C'est voilà. Certains disaient, oh, on en fait beaucoup. Oui, parce que les artistes sont importants et nous font voir le monde aussi de manière complètement différente, et heureusement qu'il y en a, comme les scientifiques bien évidemment, comme plein de gens, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant et important. Et c'est vrai que voilà, je pense que l'artiste en animation doit aussi se battre à un moment donné et ne plus attendre, malheureusement, parce que vous êtes, il y a beaucoup trop de monde aujourd'hui, ben que voilà, faut chercher l'argent ailleurs. Des fois le CNC ne pourra plus en donner autant, on le sait, les associations, faut aller dans les festivals, faut aller, enfin voilà, faut se battre. Et quand je dis faut se battre, c'est pour, à mon avis, une bonne cause aussi, c'est que l'animation permet des choses incroyables, et je pense que c'est l'un des médiums, voilà, de l'avenir et l'un des arts les plus extraordinaires qu'on puisse avoir. Je m'arrête là, et là, j'aimerais changer de voix, mais je serais incapable de faire la voix de Rémi, qui n'est pas là, qui ne peut pas être là aujourd'hui, ainsi que Valentine. Je les salue et je les remercie toujours pour leur aide et d'être présent. Et j'ai fait un agenda que je vais essayer de faire assez rapide. Et voilà, parce que je vais évidemment parler de moins de choses que... notre ami Rémi. Allez, intéressant, l'association Art Brutal offre une bourse, hein, pour aider un premier film d'animation d'un montant de 1000 euros, alors sauf des films évidemment de fin d'études. Vous pouvez taper, c'est artbrutal.com, après vous regardez sur bourse, c'est, les dépôts sont du 1er janvier au 1er avril. Voilà, une manière, merci Art Brutal, de montrer qu'en effet des associations comme ça peuvent aider, et 1000 euros, ben, ça peut toujours être, évidemment, ça peut servir. Beaucoup plus gros, l'appel à films d'Annecy, dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 15 février pour les courts-métrages, les films de télévision, les films de commande et les films de fin d'études. Allez savoir pourquoi, vous avez un mois de plus pour les longs-métrages. On se demande bien pourquoi. C'est le 15 mars, après tout. Il n'y a aucune raison. Mais bon, c'est comme ça. J'en profite aussi pour dire, inscrivez votre projet. Il y a quelque chose de passionnant qui vient d'être mis en place par Annecy. Et j'en reparlerai, alors moi, sur mon site The Web Anime, parce que là, j'ai pas toutes les infos, mais qui est aussi le fonds à l'aide au sud, en fait. Il commence à prendre des gens, alors pas au sud, au pays... Je sais plus comment on appelle ça politiquement correct, en voie de développement, en tout cas voilà, c'est plus compliqué que ça, parce que l'année dernière c'était une réalisatrice géorgienne qui était venue sous l'égide d'Olivier Catherin. Et il lance ces appels-là aussi pour montrer des gens justement en Afrique, en Amérique du Sud, et qui puissent présenter des dossiers, puis venir les montrer et venir les mettre en place à Annecy, ce qui est évidemment fondamental. Donc ça, c'est vraiment important. N'oubliez pas le collectif Baribal, hein, avec Florentine Grolier, Violaine Lécuyer, Marie-Zoé Legendre et Samuel Yal, du beau monde quand même. Vous savez, jusqu'au 6 février, pour aller dans la salle du service culturel municipal de Gentilly, pour découvrir, dans le cadre du 26e Festival de Ciné Junior, le collectif Baribal, donc l'exposition L'Arbre aux Images, voilà, qui, Yves me fait un signe, est superbe. Ça, je passe. Désolé, Rémi. Voilà. Festival Travelling à Rennes, du 2 au 9 février, avec notamment une projection le vendredi 8 des 24 mensonges par seconde de Bruno Bouchard. Je sais pas si Bruno en verra un jour le film en entier, mais en tout cas, il aura parcouru comme ça tous les festivals avec cette belle initiative de gratter sur la pellicule, et c'est plutôt assez bien. Il y aura aussi de nombreux programmes d'animation comme les 20 ans de la société JPL Film, qui avait déjà eu avant une rétrospective, à Bru, et là je découvre, hein, l'agenda en même temps que vous. D'un seul coup, je vois qu'il y a quelque chose qui s'appelle Ciné-Chat, un programme entièrement dédié aux chats. Et moi, je suis un fan de chats, donc c'est génial, faut y aller. Peut-être amener votre chat dans la salle. Peut-être c'est aussi une bonne occasion pour que les chats voient du cinéma. Trois infos de Cyclique, l'école du regard, jeudi 14 février. Cyclique Animation, hein, évidemment, Eric Régineux était venu nous parler. Vous tapez cyclique.fr et vous avez donc là plusieurs choses. L'école du regard, c'est pour visiblement voilà les adultes, les enfants à partir de 12 ans, pour voir un petit peu ce qu'est le cinéma. Tout en haut du monde. Mercredi 10 février, projection, on va en parler évidemment parce que c'est aussi l'un des coups de cœur du festival Image par Image, et la projection d'Une histoire à l'autre, voilà, qui est peut-être projetée aussi, je ne sais pas, dans le cadre, on verra, d'Image par Image, qui projette évidemment beaucoup de choses. Ça sera le mardi 16 février, regardez, c'est important. Clermont-Ferrand, ça me permet de faire une petite parenthèse et remercier Nicolas qui a été la cheville ouvrière de comme d'habitude, de Bulle de Rêve, et le remercier en direct parce que les deux dernières émissions, évidemment, je me baladais et j'étais loin, j'étais à Montréal, j'étais à Bruges justement, et il a diffusé, c'est grâce à Nicolas que vous avez eu en direct les émissions, donc merci infiniment d'avoir été présent et d'avoir fait ça. La prochaine émission, je serai là a priori, mais elle sera elle aussi réalisée en fait pendant le festival de Clermont-Ferrand, évidemment festival énorme, mais je serai bien présent cette fois-ci. J'essaierai de ne pas trop m'échapper du studio. Un ciné goûté Betty Boop dimanche 7 février. Vous savez à quel point Betty Boop est importante pour moi dans ma carrière même. Donc 14h30 au cinéma L'Écran à Saint-Denis. Il faut soutenir évidemment tous ces cinémas-là. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Festival image par image, on va passer. C'est peut-être pas très intéressant. Évidemment, c'est Yves qui va nous en parler. Je vous rappelle, parce que il est ici un peu le programme de la carte blanche de Francis Gavel. Retenez cette date, surtout que a priori... Yves va nous le confirmer, mais il n'y aura pas de Jean-François Laguioni au studio des Ursulines. Il ne sera pas là, donc vous n'avez le 15 février. Il y a sûrement des choses à image par image, mais il y a aussi une programmation spéciale carte blanche Francis Gavel à 21h15. C'est rare. Allez-y nombreux parce qu'il faut que la cinémathèque voit que l'animation, évidemment, ça marche. À 19h, vous pourrez voir le film de Francis Gavel. Oui, il est devenu réalisateur. Donc cours de récré avec Claire Inguimberti, co-réalisation des deux. 19h, donc voilà, pour voir ce film-là. Et à 21h15, chez moi de Phuong Mai Nguyen, Le Blanc du Noir d'Anne-Sophie Giraud, Café froid de Stéphanie Lansac, François Leroy, blablabla. Plein de superbes films, Fiche d'Onnit Sex de Justine Wulstecker, dont on vous a souvent parlé évidemment ici et qui est souvent venu à ce micro. Et à ne pas louper aussi, en plus de ces films, deux films étonnants, Rhizome de Boris Labbé, un des grands films malheureusement qui n'a pas été jusqu'à la fin des Césars, même dans les 12, grosse erreur du comité des Césars, dont je fais partie. Mars Evan. Belle autocritique. Il faut. Et Mars Evan de Virgin Keaton, qui est un film vraiment beaucoup plus étonnant. C'est un film, son film d'avant, Je crée contre la vie ou pour elle, est sûrement l'un des plus grands films français de ces dernières années. Et Mars Evan, quand on le regarde la première fois, on se dit, bon, évidemment, par rapport à Je crée contre la vie ou pour elle, et plus on le revoit, plus il reste en tête, plus il y a toujours cette idée, peut-être qu'il est moins fort, parce qu'il faut dire que l'autre était un tel chef-d'œuvre. Mais je vous promets qu'il faut le voir, parce que voilà, c'est un film qui reste en tête et toujours dans cette incroyable, complexité du rythme, et qu'elle comprend bien Virgin Keaton, et elle, c'est une très, très très très grande réalisatrice. J'aimerais, si elle pouvait juste faire des films un peu plus que une fois tous les 7-8 ans, elle nous rendrait service et rendrait service au cinéma, parce que c'est vraiment une grande réalisatrice. Je suis très déçu qu'elle soit pas venue à Bru. J'aurais adoré faire une interview. J'espère qu'elle pourra un jour venir ici, parce que c'est vraiment important. Je vous laisse regarder tout le reste, parce qu'on va pas avoir le temps de l'agenda, de toute façon, comme d'habitude, qui se trouve sur le site de l'AFCA. Pas mal de choses étonnantes, hein. Kinogar, jeudi 25 février, la gare de Coustelet, dans le PACA, avec des courts-métrages. Il y a vraiment plein de choses aujourd'hui. Allez, à la télé, c'est souvent merdique, évidemment, puisque c'est la télé, sinon on le serait. Mais là, il y a une émission, une seule émission qu'on aime, qui est évidemment Court-Circuit, avec un spécial Clermont-Ferrand. Vous pouvez voir Café froid de Stéphanie Lansac et François Leroy, leur dernier film. Ensuite, il y aura une spéciale Berlinale avec Dissonance de Till Novak, que j'aime pas. Mais quand même, c'est intéressant de le voir. Et le 26 février, il y aura Bolès, je suis désolé, je sais pas bien le prononcer, de Spela Kades de Slovénie, film très étonnant en volume. Misso Kusai sortira le 3 février. Je finis l'agenda avec ce qui est en cinéma. Ouais, c'est long, hein, je me rendais pas compte. Bravo Rémi, parce que c'est quand même un vrai travail cet agenda. Évidemment, vous allez tous voir le chef-d'œuvre de cette dernière année, de cette deuxième année, qui est Alvin et les Chipmunks à fond la caisse. Non, je déconne, bien sûr. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Enfin, c'est Alvin et les Chipmunks, c'est le dernier film. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien, hein. Bah ouais. Pareil, je sais pas quoi dire. Faut soutenir l'animation française. Ça se trouve, le film est bien. Dofus, livre 1. Julie, moi, j'avoue que c'est pas tellement mon style de cinéma, mais bon, bah voilà. Et puis, Jean-Jacques Denis, quelqu'un d'intéressant. Donc, bon, pourquoi pas, hein. C'est l'une des grandes trucs qui sort en France. Après tout, il nous faut aussi des... Voilà, faut pouvoir arrêter de dire que il nous faut des films d'art et essai et tout. Non, il faut aussi des gros films comme ça. Donc allez voir aussi, pourquoi pas, Dofus. Et après, je sais pas du tout, j'ai rien compris. Je pense que Yves connaît mieux que moi. Mais c'est des gens que j'aime bien, parce que c'est les films du Préau, par exemple. Là, Mini et les voleurs de miel, qui a l'air d'être de Yannick Astrup, donc réalisateur plutôt connu. Les Espiègles, des films laitons, sortis par Cinéma Public Film. Donc c'est plutôt des choses pour les enfants. enfants, Ferda la fourmi, qui passeront peut-être à image par image, tout ça. Ouais. Alors après, moi j'y connais mal, mais vous voyez ce qui est fascinant quand je regarde tout ça, et bon, Zootopie de Disney, hein, voilà la grosse chose, mais ce que je trouve passionnant, c'est qu'on a, alors, ne vous marchez pas sur les pieds, vous tous distributeurs, parce que quand je vois, il y a Malavida qui sort un film, il y a Cinéma Public Film, et il y a les films du Préau, c'est génial qu'aujourd'hui en France, on ait autant de distributeurs qui s'intéressent à la qualité pour les films pour enfants, donc faites attention de pas tout sortir en même temps, on voit bien ce que ça a pu donner, c'est vraiment très embêtant. Je vous conseille, on vous l'a déjà fait, foncez voir le 3 février 2016 Anomalisa de Charlie Kaufman et Duke Johnson. Faut préciser parce que Duke Johnson est le réalisateur de l'animation. On parle souvent de Charlie Kaufman, moi le premier, il faut évidemment parler de Duke Johnson. S'il vous plaît, 3 février 2016, allez voir. Dieu sait si le mot ovni est ridicule et n'amène pas à grand chose, mais c'est vraiment un film, voilà, passionnant et qu'il faut aller voir. Je referme cette partie agenda et on va juste parler un tout petit peu avant de faire une petite pause pub et de partir là réellement sur ce que va être le festival Image par Image. Yves, toi qui es membre de l'AFCA, on vient de parler avec Sabine, est-ce que tu sens, parce que moi c'est mon impression, mais peut-être que je sais pas, je vois ça, qu'il y a un vrai changement dans l'AFCA. Je demande pas à dire c'est mieux, c'est pas mieux, etc. Mais je trouve qu'il y a un vrai changement, peut-être plus de dynamisme, plus d'envie de faire des choses, de construire des choses. Est-ce que toi tu ressens ça? Oui. Oui. Ouais, c'est la première fois que j'ai juste un oui de Yves. si, tout à fait. Et ben, on peut louer le travail de Sabine comme déléguée générale. Et enfin, on a une déléguée générale, même si Mikal Bach avait été une excellente déléguée générale, mais à un moment donné où il fallait faire franchir le pas de l'AFCA d'une association vraiment de bénévoles vers une association professionnelle, en trouvant des locaux, en re-questionnant le projet, etc. Après, il y a eu une sorte de longue traversée de, pas du désert, mais de, en tout cas de pas à pas et de façon patiente et de façon méthodique. On a sûrement perdu des adhérents à un certain moment, mais pour resituer ce qu'était l'AFCA, et puis aussi l'animation a bougé en même temps toutes ces années, donc avec le questionnement sur la lettre, la périodicité de la lettre, sur les animathèques qui ont été mises de côté parce qu'il y avait aussi des événements qui portaient ce que portait l'animathèque précédemment qui arrivait. C'était des espèces d'événements de cinémathèque un peu mensuels à Paris. La fête, en effet, comme c'était évoqué tout à l'heure, qui va fêter ses 15 ans, donc qui a quand même un peu aussi révolutionné l'animation dans une sorte de perception populaire de qualité dans les médiathèques, dans les cinémas. Le réseau des cinémas qui a évolué aussi. Voilà, on pourrait dire aussi l'animation jeune public qui a changé il y a 15 ans. C'était l'arrivée des films du Préau, tu les citais. Donc l'arrivée du court-métrage pour les tout-petits, donc une éducation à l'image qui s'est renforcée aussi à l'aune de l'AFCAE, des salles à réessai, des salles recherche, toutes ces salles à travers la France. Pas confondre, pour ceux qui connaissent pas évidemment l'AFCA, ouais. Et l'AFCAE, hein, qui est le réseau à réessai. Voilà, en fait, il y a eu beaucoup de mutations en même temps. Bah, les longs-métrages, aussi Kirikou, c'était 98, qui a fait une sorte de retentissement dans l'animation, des projets qui sont arrivés, des studios qui sont arrivés à maturité, toutes ces écoles. Donc tu sens que là, il y a... Tout ça était de concert. Et là, ce qui arrive, et ce qui arrive de bien à l'AFCA avec l'équipe, et aussi le festival, oui, qui était Sabine, d'abord à Marly-le-Roi, en banlieue parisienne, ensuite ouais. À Auch, dans le Gers, assez éloigné, maintenant dans une grosse aglo à Rennes, métropole, avec Bru, qui est le fer d'attache, port d'attache, et fer de lance. Et du coup, on va y arriver. Et du coup, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a cette réflexion là que doit avoir l'AFCA, elle est complexe parce qu'il faut faire le tri, il faut faire le tri dans des priorités, par rapport aussi à un rapport de qualité du travail qu'on doit mener, des capacités qu'on a à mener ce travail, des objectifs politiques par rapport à l'animation, du fait que l'animation, mine de rien, avec les écoles, forme, on le sait, hein, et tu l'as dit plusieurs fois, on forme 5000 élèves sur 5 ou 10 ans, et c'est-à-dire que c'est les 5000 élèves qu'on forme sur 5 ou 10 ans, c'est le nombre de professionnels qui travaillent dans une année pleine en France, donc c'est évidemment, il y a si le contexte de la mondialisation, contexte de la remise en question. Donc il y a plein de réflexions, il y a plein de choses comme et ça. Ouais, il y a plein de réflexions et je pense que ce qui est bien dans l'AFCA, c'est qu'il y a une choralité, une diversité. Bah, l'équipe, elle est vraiment excellente. Voilà, au niveau du festival, au niveau des acteurs qu'on a, il y a une choralité des gens qui sont membres du conseil d'administration, à la fois dans la diffusion, à la fois dans l'exploitation, la diffusion, à la fois dans la production et dans la distribution pour certains et dans les festivals et du coup c'est dans la réalisation ouais, ouais c'est ça aussi qui est vraiment important. C'est aussi la défense des auteurs du point de vue des auteurs. Comme le disait Sabine, à la fois dans une dimension pas corporatiste, mais aussi qu'est-ce qu'on fait, quel est le travail d'artiste, pourquoi, comment, mais aussi quel cinéma d'animation on défend. Je te coupe, Yves, voilà. Parce que on pourrait partir. Ouais, il y a juste pas mal de sujets. Il y a plein de choses. Réponds pas, mais en fait, c'est impossible de répondre. Mais en tout cas, il y a tous ces questionnements. Et il y a une dimension de ce qu'on pourrait appeler, qui est pas forcément su, mais de l'observatoire qui a été mis en place par Denis avec Denis Valgenwitz avec le CA. C'est questionner qu'est-ce que c'est l'animation d'aujourd'hui et pas forcément faire un plan en effet avec des priorités sur long terme. Comment se structure l'AFCA? Mais à la fois trouver des axes de et là on est en plein dedans en ce moment. Oui, je te coupe parce que il faut qu'on parle évidemment d'image par image, t'es là pour ça. Juste ça fait quelques fois que tu viens ici, ça fait pas mal de gens te connaissent. Rappelle-moi, on va essayer de faire un truc. Tu sais, Denis m'a appelé sur scène à Bru, il m'a dit t'as une minute, on va faire la même chose. Qu'est-ce qui t'a amené à l'animation de manière très rapide? Moi, ce qui m'a amené à l'animation, c'est paradoxalement la télévision, malgré tout. À la télé, on a vu quand même quelques clips quand on était enfant de la série Bachelor qui passait en permanence. C'était un peu hypnotique. Dès qu'il y avait une coupure, ça passait. Et moi, ça a été une sorte de perfusion de moments de bonheur sur une télé qui n'était pas forcément drôle, enfin voilà, tout le temps, et qui s'arrêtait en plus. Et des films de Michel Osloo, en effet, qu'on a vu à la télé, Vision, film de Jean-François Laguioni, La traversée de l'Atlantique à la rame, que j'ai découvert aussi à la télé. Et puis après, le cinéma dans lequel je suis tombé, dans la salle, en allant à Cannes, certes, mais au Festival d'Annecy, le RADI, qui a permis de programmer des films. Le RADI, c'est l'agence du court-métrage qui permet de programmer, dans le cadre d'un forfait annuel, avant les longs-métrages, des courts-métrages. J'ai découvert de façon induite et intrinsèque les films de Florence Mihail en 92-93. Voilà, le Hammam et une forme de fidélité. Et évidemment, les longs-métrages, Le Roi et l'Oiseau, etc. Une excellence Robinson de Colomba, une excellence de l'animation française, voilà, et internationale. Et puis, une diversité, quoi. Et puis, finalement, gagner une richesse artistique, une ouverture artistique à tous les champs artistiques, comme tu parlais, genre, la sculpture, la peinture, etc. Et voilà, et donc, c'est venu comme ça, petit à petit, chemin faisant, et voilà, et l'envie de continuer à accompagner ça, aussi ces artistes, ces auteurs qui travaillent dans l'ombre, voilà, aux côtés des auteurs en prise de vue réelle, mais travaillent dans l'ombre, et aussi une grande humilité et quelque chose que je trouve vraiment formidable de mettre en avant, de continuer à pouvoir mettre en avant dans le cadre du festival. Donc on va en parler évidemment de suite, on a une petite demi-heure pour parler de tout ça, on va écouter parce que je trouve ça génial de pouvoir découvrir encore des artistes comme ça, et moi ça me plaît bien. C'est évidemment un artiste très connu, mais voilà. J'ai oublié, pardon, Tex Avery aussi. Ça, c'était une découverte fondamentale. Avec Eddie Mitchell, sans Eddie Mitchell, parce que moi je me rappelle que c'était vraiment ça. Ouais, mais il y avait des grandes rétrospectives. Évidemment, la dernière séance, c'est évidemment Michel Brion. Enfin, Brion, ouais, bien pas sûr. Michel Brion. Ouais. Brion, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est ça. Évidemment, sur France 3, le cinéma de minuit et à Noël. C'était quand même pas mal de passer à Noël, Tex Avery. Hein. L'irrévérence comme ça à Noël, je crois qu'aujourd'hui on aurait du mal à le faire. Sauf qu'il faut que ça soit trash sur Canal ou des choses comme ça. Mais juste une jolie irrévérence, justement, quelque chose qui nous change un petit peu. Ah là là, ouais. Donc que des gens découvrent encore aujourd'hui, parce que ça arrive, on m'a dit, l'artiste qui est après, je trouve ça génial. On va écouter Alain Bachung, La Nuit Je Mens, et je trouve ça, voilà, c'est juste un plaisir d'écouter tout le temps Alain Bachung. Et on se retrouve juste après pour parler d'image par image. À tout de suite. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour

On est aidé hein, par le ministère de la Culture, la DRAC Île-de-France, le Conseil régional d'Île-de-France et le Conseil départemental du Val-d'Oise. On essaye de gérer quand même au mieux, malgré tout, l'argent public, hein, parce qu'il faut quand même faire attention. C'est vrai, de tout temps, on a toujours été conscient de ça. Et c'est vrai qu'on était passé les trois dernières éditions sur des formats affiche-programme. Et en fait, on se disait affiche, ça va être bien, parce que les enfants, les gens pourront avoir l'affiche, le visuel qui est toujours un visuel original créé par un artiste, donc c'est bien. Et en même temps, on était arrivé dans un programme qui était vraiment réduit à peau de chagrin, où il n'y avait pas du tout d'exhaustivité sur les images, puisqu'il n'y avait qu'une image dans un programme, et il y avait quasiment plus de résumés. Il n'y avait plus d'éditorialisation de notre part. Là, je ne veux pas dire qu'il y en a forcément plus au niveau des textes. Ah, c'est beau là. C'est mais enfin... au niveau des images, on a l'exhaustivité des images. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une diversité visuelle qui est... voilà. Et surtout, on a tous les événements de façon exhaustive aussi qui sont placés. Bon, on ne peut pas mettre tout le détail des ateliers, mais sur toutes les salles, on a vraiment quelque chose d'agréable, c'est grand. Je dois dire qu'hier, j'étais à l'ouverture des Cinglés du cinéma. Il y avait Jean-Pierre Mocky qui présentait son dernier film. Et il y avait pas mal de gens dans la salle qui l'avaient ouvert en grand, ce programme. Et ça fait chaud au cœur. Et vraiment, si je peux me permettre, je remercie chaleureusement toute l'équipe de communication du Conseil départemental du Val-d'Oise, parce qu'ils nous ont vraiment soutenus. Là-dessus, ils ont bien compris qu'on était arrivé à une limite jusque-là d'expérimentation d'économie, qu'il fallait réinvestir un tout petit peu, avoir une très bonne graphiste qu'on a eue, et qu'ils ont mis le paquet pour nous aider là-dessus, et ça fait extrêmement plaisir. Là, c'est et vraiment, on les remercie chaleureusement. Ça fait festival. Ah ouais, c'est chouette, ouais. C'est pas que les autres ne faisaient pas festival, mais il y avait un côté. Là, au moins, on a envie de le garder, on a envie de regarder, on a envie de griffonner ou des choses comme ça. Enfin voilà. Ouais, et puis par rapport aux collègues des salles qui sont vraiment fondamentaux, les animateurs jeunes publics des salles sur le festival, les collègues des salles, il y a 30 lieux hein, quand même. On est sur 3-4 semaines, parce qu'on dépasse évidemment pour avoir le public scolaire, mais surtout d'abord familial. Que les familles viennent, passent du temps dans les salles, dans les lieux, arrivent tôt l'après-midi, partent en fin d'après-midi. En ayant vu deux films, un atelier, des journées très animées, une rencontre, etc. Et l'important, c'est que le programme ne soit pas porté que localement, même si c'est vraiment fondamental d'être structurant sur le terrain avec les collègues des salles, mais aussi au niveau d'un territoire. Et là, on est vraiment dans un bon équilibre et on est vraiment très très heureux de ça. Alors, comme on n'a pas tant de temps que ça finalement, comme toujours, on a une vingtaine de minutes... On met les choses en place, on le sait, t'es déjà venu ici, d'abord vous regardez, et ça c'est important, écran, c'est quoi, le site, je sais qu'on peut, ouais, on peut avoir faut le... Il faut taper simplement dans un moteur de recherche image par image, et on tombe sur le, ouais, sur le site et le programme, parce que, ça, ouais, voilà, c'est un site qui est à l'intérieur du site du site non, de Val-d'Oise. Non, on tombe sur un blog, en fait, sur parce que blog, là le site du Val-d'Oise est en refondation, donc d'accord, on est sur le donc blog. Donc génial, donc sur un blog, image par image, donc ça c'est parfait. Image par image. C'est sur 30 salles, donc tu l'as dit, Val-d'Oise et quelques salles aussi hors Val-d'Oise, il y a des choses qui vont se passer, etc. Donc vous avez tout... Nous, on va s'arrêter vraiment. J'aimerais que les gens voient la diversité, voire surtout tout ce que tu présentes et tout ce que le festival présente. Je dis tu, mais elles vont m'en vouloir. Il y a aussi évidemment une équipe qui te soutient et qui est avec toi tout le temps. Donc voilà, que vous présentez qu'image par image. L'invité... On est une équipe de deux à la base, voilà, en permanent. Et... Après, on a des stagiaires, des collègues en service civique. La deuxième, et c'est Sophie Jean. Voilà. Allez. Un petit clin d'œil à Mélissa Martin et bien tous sûr. Les collègues, Mireille Leruyer, tous les collègues qui ont fait le festival depuis des années à mes côtés, et évidemment tous les collègues des salles du réseau, évidemment sans qui on ne peut pas, parce qu'on est un festival structurant de terrain. Voilà. Yves a raison, c'est vrai qu'à chaque fois je veux passer rapidement, mais c'est évident que de remercier, on le sait à quel point c'est important évidemment qu'un festival ne se fait pas juste sur que un programme, même s'il est là évidemment, mais sur tous ces gens-là. Mais alors, c'est parti, l'invité d'honneur. Raoul Servet. Pourquoi Raoul Servet? Raoul Servet, parce que ça fait des années que je souhaite l'inviter, et que ça fait... Quand on est un festival non compétitif, sans jury, sans prix, sur la durée, en fait, on suit des auteurs, on suit leurs films, et en fait, on attend toujours un instant T, qui est complètement subjectif et relatif, pour inviter quelqu'un. Et ça faisait vraiment des années, à Lille, que j'avais croisé Raoul Servet, je lui ai dit, j'aimerais bien, il y a plus de 10 ans, j'aimerais bien vous inviter, et en fait, ça s'était jamais concrétisé, donc c'est une sorte de... C'est pas une culpabilité, mais c'est une vraie envie. Et je l'ai recroisé croisé, j'ai eu la chance de le croiser au festival de Meknès, voilà, donc le FICAM. J'ai revu l'intégralité de sa programmation et c'est formidable le cinéma, c'est que bah, on voit des films et puis on les revoit et il y a une sorte de tamis du temps qui se passe. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais les films, on les retrouve et on dit ah, mais c'est vraiment formidable, ça résonne, etc. Et du coup, je vais proposer l'an dernier de venir au festival. Il n'a pas pu parce qu'il était à Berlin pour Tank, son dernier film. C'était aussi l'occasion. Et là, je réécris. Il m'a dit ok, je viens. Je suis allé à Gand parce qu'il y avait une exposition spéciale. Donc voilà, qui lui était faite. Et il m'a dit oui, je viens. Il vient. Et c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur. Donc évidemment, grand, grand monsieur, hein, l'un des grands noms qui commence dans les années 60, bien sûr, Raoul Servet, qui, comme il est marqué hein, dans la petite bio, crée aussi le premier département dans une école de cinéma d'animation. Dans les années 60, c'est incroyable. Voilà, hein, avec long métrage aussi. Hein, il s'est essayé au long métrage, bien sûr, Palme d'Or pour Harpia, Grand Prix du Festival d'Annecy pour Papillon de Nuit. Enfin, ces films sont présentés un peu partout dans le monde et c'est vrai que ça a été un grand, grand nom. Ça l'est toujours aujourd'hui. C'est, voilà, une vraie œuvre importante. On le verra le vendredi 12 février, la soirée d'ouverture le soir. Il sera là pour ça. Il sera là encore d'autres jours après ou alors, c'est... le lendemain, on fait une soirée en partenariat avec le cinéma Cinespace à Beauvais. Et là, il présente quasiment l'intégralité de ses films. D'accord. Je mets sur une soirée spéciale à 17h. C'est en entrée libre pour le Cinespace à Beauvais. Donc c'est vraiment... Il avait fait venir, il y a des années, sur un festival qu'ils avaient. Ils ont une salle qui s'appelle Raoul Servet. Ah oui. Et donc c'est beau, quoi. Donc c'était une obligation. Ouais, ouais, ouais, voilà, c'est vraiment chouette. Et c'est des gens qu'on aime beaucoup, Jean-Jacques Jeunet. Et voilà, et donc on fait cette soirée-là avec eux, spécialement le lendemain. Donc c'est une toute petite tournée, parce qu'on voulait pas le mobiliser trop. Hein, Raoul Servet. Sans, même s'il est très vert, excusez-moi l'expression, il est encore très jeune. Il a malgré tout quand même 87 ans et c'est quelqu'un de complètement formidable que j'ai vu à Gand il n'y a pas longtemps et qu'on est vraiment très heureux d'accueillir, qui sera là le 12 février. Préciser que au-delà des films que tu as cités, Papillon de Nuit, Tank et donc Tank passera notamment pour ceux qui le veulent, qui est bien passé. On passera Chromophobia, voilà, qui résonne aussi pas mal par rapport à notre époque, hein. Qui est même sûrement l'un de ses, en tout cas pour moi l'un de ses meilleurs films, et qui a été repris beaucoup, hein, cette idée du noir et blanc, de la couleur, etc. Je vous rappelle que c'est 66, un régime totalitaire, le sous-marin jaune, Yellow Submarine, et 68, donc 2 ans après, et sur un sujet, voilà, avec l'idée de la couleur et voilà, qui est super important. Et toujours après ça, donc de 19h à la cérémonie d'ouverture, donc 19h-20h, il y a le pot d'accueil, et 20h-21h30 cérémonie d'ouverture, donc avec Raoul Servet, on vient de le dire, et projection des coups de cœur du festival avec la bande-annonce de Louise en hiver, le prochain... Alors ça sera pas tout à fait la bande-annonce, ça sera le début. Un extrait d'un documentaire où on le voit travailler. Super, voilà, très très beau documentaire qu'on a eu la chance de voir à Bru, et donc ça c'est très intéressant. Il y aura des films d'atelier, on va en parler d'un en particulier, parce que tu voulais nous parler de ce festival-là. Il y aura L'homme le plus petit du monde, 3 fois 1 minute, donc 3 épisodes de la série, c'est ça ? Le pilote de Juan Pablo. Certains ont peut-être déjà découvert, mais c'est vraiment génial. Zaramella, donc grand... Il nous fera le plaisir d'être là, pas à l'ouverture malheureusement, mais à la clôture, il nous a eu. Je vous conseille 2 choses, Sylvie Denet, personnage assez étonnant qui est venu ici même, hein, quand je dis personnage, voilà, c'est une réalisatrice, mais voilà, qui fait son cinéma aussi à côté de son travail, qui présentera La Vent debout, qui sera là, et sûrement l'un des plus beaux films de l'année dernière, vraiment un film incroyable qui s'appelle Chulienne, histoire de corbeau, qu'il faut voir sur grand écran, de Cerise Lopez et Agnès Patron. C'est une merveille qui a eu, c'est un peu ou tout l'un ou tout l'autre, il a eu 2 grands prix, Animatou et Abru, ou alors le film est même pas sélectionné, donc on est un peu ou pour ou contre. Mais c'est juste, enfin moi je suis évidemment complètement pour, c'est un film que je trouve incroyable. On rentre dans une espèce de dire, il dure 20 minutes, on a l'impression, enfin moi à chaque fois je me dis c'est déjà fini. Voilà, c'est une... Pareil, c'est une espèce de film absolument étonnant et c'est génial de le présenter sur grand écran et de le voir sur grand écran. Donc ça c'est la soirée d'ouverture. Et Cerise Lopez sera là, et Sylvie Denet sera là aussi. Et Agnès Patron aussi. Et Agnès Patron aussi. Ouais. Ah, j'aime. Cerise, elle est à un festival au Japon, donc elle nous a promis de nous rejoindre, donc a priori... Elle viendra un peu... Non, on est très heureux parce que ça fait... plusieurs mois, moi j'ai découvert le film sur un lien internet et sur un cyclique, et vraiment c'est un film complètement troublant sur un conte amérindien, Et vraiment, c'est un film à découvrir sur ce grand écran, quoi, qui laisse pas insensible du tout. Si l'ouverture est avant tout un peu plus pour les adultes, le soir, la clôture, par contre, elle, est un peu plus destinée aux enfants, même si les adultes, évidemment, peuvent venir. Ouais. Avec, j'aime bien toujours ce plaisir à la fois. Donc, il y a des concours de dessin, remise de prix, et puis là, un spectacle. Ouais. Qui est pas de l'animation, justement, l'idée de lier les choses. Tu restes pas que dans l'animation, il y a des choses qui... C'est la poésie, en tout cas, c'est amené vers autre chose. Oui, bah... Comme tu aimes bien en parler et comme t'en parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on est, on aime bien nous être à la croisée de pas mal de champs artistiques et comme on l'a fait sur des années, des festivals précédents avec des amis et collègues du théâtre d'Hermont par exemple et d'autres salles, on présente des ciné-concerts, on présente des spectacles, du spectacle vivant qui croise cinéma, d'animation et spectacle vivant, marionnettes avec certains spectacles, on le sait bien sur la biennale de la marionnette de Charleville-Mézières qui croise souvent avec des gens qui travaillent en commun, quoi. Enfin, il y a des passerelles qui se font aussi. Ça aussi qui est passionnant dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des passerelles artistiques qui se font et qui sont pas assez connues. Voilà. Et du coup, c'est vrai que, bah, comme Sylvie Denet à l'ouverture avec où il y a une vraie passerelle sur son travail plastique et d'animation, bah, là, il y a Christina qui vient sur un spectacle de 30 minutes qui est monté en coproduction par des festivals Ami Ciné Junior et Cinéma 93, des associations franciliennes, et que nous on a vraiment la chance de qu'il nous confie pour avec la venue de Christina Toll. Et l'idée c'est de faire en effet comme on avait fait il y a quelques années, il y avait un spectacle, Il était une chaise, de la compagnie de danse Nathalie Corny qui est installée à Roubaix, qui avait repris des films de McLaren pour les mélanger avec un écran qui projetait au sol et au mur et avec de la danse. Là c'est un peu le même état d'esprit, c'est de créer quelque chose de troublant dans la relation au spectateur et particulièrement au jeune spectateur. Et c'est là où nous, dans l'éducation à l'image, on a beaucoup à apprendre du spectacle vivant, avec des gens qui nous précèdent, entre guillemets, sur la médiation, sur l'accompagnement, sur une forme de confiance aux très jeunes spectateurs, d'être capable de leur montrer des choses troublantes, des formes non narratives où il n'y a que de la musique, où il n'y a que de l'image, où il n'y a pas de parole qui va surexpliquer. C'est là souvent la limite de l'audiovisuel et de la série télé, hein, on est d'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît d'aller sur ce champ-là. Et dans le Val-d'Oise, il y a un festival qui s'appelle ACTA, qui est à Villiers-le-Bel, qui est vraiment dans l'excellence de ça, de s'adresser aux tout-petits en pariant sur leur sensibilité, leur intelligence. Et pour les tout-petits, les 3-6 ans, c'est s'adresser à leur intelligence, à leur sensibilité, et du coup à un âge où ils sont absolument pas formatés, où on ne sait pas encore lire des lettres de l'alphabet, on ne sait pas écrire des mots, à peine son prénom, quand on a 6 ans, qu'on s'apprête à rentrer au CP, qu'on est en grande section. Et là, on est libre, on fait un travail d'art plastique formidable quand on est enfant de 3-6 ans en France, quoi. Et du coup, s'éduquer, s'initier à l'image fixe en lisant des livres édités par les éditions du Rouergue, par l'école des loisirs, ou en voyant des films d'animation, bah, grâce au film du Préau, grâce au festival, c'est vraiment fondamental pour ouvrir son âme, son regard, son mental, et puis aussi celui de ceux qui nous accompagnent, c'est-à-dire les grands, les grands-parents, les parents, les enseignants, etc., les ATSEM, à quelque chose, les nounous, etc., à quelque chose d'ouvert. Et c'est très fragile, mais en tout cas, on le sait bien que toute cette fragilité, fragilité, entre guillemets, cette ouverture du regard, elle se fait vraiment à ce moment-là quand on est petit. Donc, voilà, en tout cas, pour pas la voir gommée après. D'où l'importance de remise des prix de cours de dessin, on l'a dit, avec Zoya Trofimova, évidemment, donc réalisatrice notamment du Trop Petit Prince qui passera en ouverture. Grand côté de clôture, ça c'est une chose. Oui. Et séance de films de cours aussi, avec Wallace et Gromit notamment, mais aussi La Soupe aux Cailloux de Clémentine Robac, oui. Peu présentée pour l'instant, il commence sa carrière, et donc voilà. Donc, ça sera... Il me permet de le dire parce que tu étais associé à cette invitation il y a 2 ans avec à Peter Lord qui est venu en France. Tout à fait, oui. Et avec Nîmes, avec Dominique de Nîmes. Dominique Pilat, oui, tout à fait. Que je salue aussi. Il était venu sur une invitation express. Hein, on avait invité grâce au festival de Mectes, hein, du FICAM. Et dans ces 2-3 jours, on avait parlé justement du fait que c'était dommage que les Wallace et Gromit n'étaient pas, en tout cas les 26 plus, ouais, minutes, et voilà. Et Peter Lord en avait bien pris conscience. Moi, je lui avais dit, mais tu sais, c'est facile de tutoyer en anglais, hein, donc je me permets voilà, cette liberté. Tu sais, en France, il y a Malavida qui distribue So British, des programmes spéciaux de Alas et Bachelor. Ouais. Ça fait plus de 100 000 spectateurs. C'est formidable. Ça rencontre un succès en France qui est énorme. Et lui, il me dit, ah mais c'est incroyable parce que Alas et Bachelor, quand on a commencé vraiment le studio Hardman, on est allé visiter justement, ils étaient en train de faire les cartons pour fermer le studio Alas et Bachelor, donc à l'époque. Et donc j'ai passé le contact de Peter à Dominique Templier de Folle Image, et de façon très humble, hein, et elle a mis le temps, mais il me permet, sans dévoiler quoi que ce soit, bon c'est trop tard maintenant, de dire que les Wallace et Gromit vont ressortir par l'intermédiaire de Folle Image. Génial. Et c'est chouette que ce soit un studio lié à l'origine au volume et à l'animation, de production aussi, qui fasse ce travail de distribution. Sûr, voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça arrivera dans quelques mois, en 2016. Donc, ça, c'était l'ouverture clôture. Il y a plein de choses, évidemment. Le temps passe vite. Il y a plein de gens invités. Si on regarde, donc Raoul Servet, on l'a dit. On va pas revenir sur les gens qui sont invités. Une exposition sur les devinettes de Renette avec Isabelle Duval. Sur les pas de Zoya Trofimova et Yuri Tcherenkov, avec la présence de Zoya Trofimova et Yuri donc qui seront là. Séance de clôture, donc il y aura c'est ça Juan Pablo, pas qu'à la séance de clôture, Juan Pablo Zaramella, oui, donc réalisateur argentin qui sera présent, Stéphane Pira et Wendy Griffiths pour leur film réalisé par Stéphane Pira, Cléa Molette et Joe, qui parle d'un petit garçon sourd, si je dis pas de bêtises, ou ouais, ouais, hein, tout, ça y est, ça, ouais, tout à fait, donc, qui va devenir le copain d'un robot qui vient de l'espace. Dans l'espace il n'y a pas de son, l'espace est sourd, voilà. Donc voilà. Et donc ils vont communiquer. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a tout un volet court-métrage. Le volet court-métrage se terminera pour les invités avec peut-être l'un des plus grands réalisateurs, je l'ai dit, je le redis, évidemment, Keiko Yamamura, qui décidément aime bien image par image, et a un vrai lien, notamment aussi avec Ilan Nguyen, et qui revient, oui, cette année encore. Oui. En fait, c'est ça la liberté aussi du festival, image par image, c'est qu'en fait, en tout cas nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est sur les œuvres et les auteurs. Il n'y a pas de date de péremption, hein, on va dire ça comme ça. Surtout dans la durée, un film est un film, quoi, et une œuvre est une œuvre, et c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire on n'hésite pas à inviter, réinviter plusieurs années de suite parce que ça nous fait plaisir et parce que ça fait plaisir aux auteurs, je pense, hein, de revenir. En tout cas, ils nous l'ont bien montré pour ceux qui ont participé à la réalisation du Cadavre Exquis des 15 ans. On avait parlé, oui, bien voilà, sûr. Qui est absolument formidable et qui était un cadeau absolument très heureux qu'on a eu, en tout cas en 2015, de la part d'une près d'une vingtaine de réalisateurs. Voilà, ça c'est important à dire. Et c'est vrai que Koji Yamamura, de façon très bienveillante, en 2006, il nous avait fait l'affiche du festival avec des petits bonhommes qu'il a réutilisé sur Charles Métaphysique. Il vient l'an dernier, il a eu une belle soirée avec l'ENSAD aux Ursulines avec Florian, enfin voilà, et là il revient une semaine. Donc il va revenir quand? On pourra le voir où pour les fans de... Il viendra le 21 février, il sera donc c'est un dimanche à Garges des Gonesses, Argenteuil et à Montigny-les-Cormeilles, et puis la semaine d'après, le samedi, il sera à Goussainville. Voilà. Et au milieu de la semaine, on fait une co-invitation, et ça, on est super heureux, avec le festival Étoiles Filantes à Pessac. Donc, il sera lundi soir, le lundi 22 à Pessac pour l'ouverture du festival d'Étoiles Filantes. Et il sera le jeudi 25, si je dis pas de bêtises, à Grenoble, dans une salle, c'est le Jean Eustache à Pessac, à côté de Bordeaux, et le jeudi, il sera au Méliès, à Grenoble, wow, chez Marco Gentil, voilà, ouais, qui fait aussi un super travail, et ça, c'est aussi évidemment grâce à Ilan Nguyen, quoi. On a cette tournée, qui se fait, jeune public, donc on va présenter évidemment les films qui sont réunis dans la boîte à Malice, distribuée par les Kines du Préau, mais des originaux, des films inédits. Parfait. C'est vraiment, voilà, important. Ouais, non, c'est un réalisateur qu'on aime énormément, et c'est pas la dernière fois du tout qu'il va revenir. Il viendra sûrement l'année prochaine. Maintenant que son fils étudie en France, aussi, c'est ouais. pas mal aussi. Hein. Le programme. Fait. Juste, faites attention parce que je viens de le comprendre. Alors, je suis un peu bête, hein, donc, mais je vous le dis. Je sais que vous êtes largement plus intelligent parce que je me disais, ah, où sont les réalisateurs à la fin du programme, en présence du réalisateur, parce que c'est pas forcément marqué dans le programme même. Faut regarder à la fin du programme. Par exemple, si vous regardez Koji Yamamura, on va pas vous dire dans le programme où il est. On va vous dire Koji Yamamura est là. Donc, vous allez voir la photo du réalisateur et faut voir à la fin. Et il y a un petit smiley, un petit personnage qui sourit, voilà, vert. Ça veut dire que dans cette séance-là, le réalisateur est là. Par exemple, vous savez c'est que Raoul Servet est allé, etc. Je le dis parce que sur le coup, je me disais, ah, c'est dommage, c'est pas marqué dans le programme, mais c'est pas grave, ça aurait fait que alourdir le programme, je m'en rends compte maintenant, mais vous l'avez à la fin. Donc, bien à regarder, voilà, lors du programme à la fin. Donc, tous ces gens-là, le temps passe évidemment, et il y a quand même, parce que l'animation c'est aussi du long métrage, il y a quand même un volet long métrage avec, on sent la fidélité à Alain Gagnol qui vient pour Phantom Boy, hein, Alain Gagnol et Philippe Cholli qui sont quasiment depuis le début Image par Image, enfin qui ont souvent été invités à Image par Image, mais je le disais tout à l'heure, évidemment défendre tous les styles de cinéma, Jean-Jacques Denis pour Dofus, on a Avril, Christian Desmarres pour Avril et le Monde Truqué, on a Simon Roubi et toute l'équipe, hein, dont très intéressant Marie Bureau qui s'occupe des voix. C'est rare qu'on en parle. On en parle souvent que dans les côtés cartoon, enfin, etc. Enfin, je caricature, mais voilà, les séries télé. C'est bien de voir enfin des gens qui s'occupent de vous, on va dire, pour des longs métrages, pour des courts métrages comme ça. C'est une bonne idée. Bravo. Ça c'est une proposition de Séverine Latulia, voilà, qui était venue ici hein, pour présenter aussi Adama. Non, ce que tu dis par rapport au long, en effet, c'est des rencontres, parce que c'est des rencontres à la fois avec le public, en public familial, sur les vacances de février, pour les 97% de ceux qui ne partent pas au sport d'hiver, voilà. Hein. Et il faut le dire, oui, quand oui, même, bien sûr, c'est important. Et du coup, nous, on a voulu ralentir le temps, parce que tu disais tout à l'heure, tout à fait justement, qu'il y a un calendrier de sortie. Bah, déjà, sur les films à prise de vue réelle, on est à 15-20 par semaine. Et sur l'animation, on a vu que ça s'accélérait et qu'il y avait un double problème, pas un problème, plutôt une richesse, c'est-à-dire que la qualité des films grandissait, la diversité grandissait aussi, des longs métrages, mais qu'en même temps, le cycle de sortie était proche. Et on peut dire qu'il y a eu un peu de casse quand même à la rentrée, si on peut employer cette expression. On en avait parlé ici, parce que c'est venu n'ont pas trouvé quand même leur public. Oui, oui. Et nous, c'est justement le luxe qu'on peut se permettre sur le festival, c'est d'essayer de ralentir le temps. Et là, on s'est dit, bon, bah voilà, il y a eu de la casse, et ça sert à rien d'aller mettre le paquet sur des films américains qui ont pas forcément besoin de nous, hein. Ils vont se porter bien tout seuls, voilà. Problème, ouais. Et on a envie d'arrêter le temps et de remettre un focus à fond sur Adama, sur Phantom Boy, et puis soutenir, être sur un principe de réalité, les films qui sortent. Quoi. On va garder un petit peu ça. Ouais. On va reparler juste après. Tu voulais tout le temps du monde, évidemment. Voilà, c'est pour ça. On va parler de ça. On va parler notamment de cette fameuse journée professionnelle que tu mets en place. Juste une petite chose. Tu voulais parler d'un festival. Oui. Qui se passe à la maison d'arrêt, parce qu'il y a même le palmarès, tu disais, tu peux nous parler. Ah, je vais te demander de faire 2 minutes pour qu'on puisse parler encore un peu de la fin. Il faudrait qu'on termine d'ici 5-6 minutes maximum. Ouais. Nicolas, t'avais deviné, évidemment, comme d'habitude, on passera une des musiques que j'avais prévues. Mais ça, Nicolas me connaît tellement bien qu'en effet, il m'avait dit oui, on passera des musiques comme d'habitude. Je lui ai dit non, pas cette fois-ci, je sais, on va le faire. Bravo, encore gagné, Nicolas. Yves, donc c'est un très beau festival, en tout cas, un festival important. Sur l'ouverture du festival depuis quelques années. Alors là, c'est un vendredi, hein, 12 février. D'habitude, c'est un samedi, mais là, on a avancé pour des raisons de calendrier du Centre des Arts, hein, qu'on remercie de nous accueillir vraiment à Enghien. De la 10e à la 15e édition du festival, on a fait des focus sur le collectif des producteurs, on a mis en avant des longs, etc. Et là, depuis quelques années, on fait une sorte de mezzé avec une sorte de diversité de ce qu'on aime bien. Et là, on va passer dans le cadre de l'ouverture pour la 3e fois, ou 4e fois même consécutive, un film réalisé par les détenus. Un petit groupe de détenus, un peu moins de 10, de la maison d'arrêt de Dosny, voilà, dans le Val d'Oise, qui est la seule maison d'arrêt, avec qui on travaille depuis 4 ans, Samuel Yal, Nicolas Bélanger, cette année Émeric, avec une de ses collègues du collectif Gruic, qui est installé à Marseille, ont fait animer un atelier d'une semaine. il y a mi-janvier. En fait, et on va présenter le résultat de cet atelier sur le thème du concours de dessin et des films d'atelier Sanel et des étoiles filantes. Voilà. Et il faut dire que la première semaine de janvier, et ça, c'était la troisième fois cette année, c'était la troisième année, pardon, on a mis en place avec le SPIP, donc le service pénitentiaire d'insertion, etc., et de probation, qui fait l'action culturelle dans les prisons, dans les maisons d'arrêt, un festival spécifiquement consacré au cinéma d'animation. C'est le seul en France. On sélectionne en partenariat avec l'AFCA sur le festival, sur la sélection professionnelle du festival de Bru, Rennes, de l'année d'avant. Alors donc là, c'était pas 2015, mais c'était 2014. D'accord. Une dizaine de films. Voilà, sur la sélection professionnelle, c'est 10 films. On les montre dans le cadre d'une matinée, d'un après-midi. Là, cette année, il y avait 50 détenus qui les ont découverts. Ils votent sur 3 prix, les yeux d'or, donc le festival s'appelle Les Murs ont des yeux, voilà. Ils votent pour un prix qui s'appelle Les yeux d'or, qui est le coup de cœur. Ils votent pour un prix qui est le film de l'originalité, et pour un prix du meilleur scénario. Donc voilà. Cette année, on peut annoncer officiellement les prix, parce qu'on n'a même pas annoncé sur internet ni nulle part, parce qu'on attend toujours un peu, enfin voilà. Et cette année, alors je vais d'abord annoncer les prix ex aequo du film du meilleur scénario qui vont vraiment au point près. Hein, à 8 balles de Franck Ternier et au vélo de l'éléphant d'Olesia Chokina. Donc voilà. Deux films complètement différents. C'est exactement. Un plutôt pour enfants, on va dire, même si pour leurs adultes, et un vraiment adulte. Voilà. Enfin, voilà, donc deux films qui ont le prix du meilleur scénario. Le prix de l'originalité va à Super Vénus de Frédéric Dozan. Donc ça, c'est aussi un film assez étonnant. Et alors le côté hors compétition, pas hors compétition, mais en tout cas qui a reconnu, qui a eu tous les suffrages sur les trois catégories, et qui est du coup le prix Les Yeux d'Or 2016, on est 2016. C'est le COD et le Coquelicot de Cécile Rousset et Jeanne Paturle qui a eu le prix Les Yeux d'Or. Donc, film sur la difficulté de prof, d'enseigner aujourd'hui, quatre professeurs des écoles dans une école à faible mixité sociale, on va dire ça comme ça, sans faire de qui arrivent tous en même temps la même année dans une école et qui racontent dans le cadre d'un documentaire animé la difficulté d'enseigner, les particularités, les trucs, façon de parler, mais en tout cas les relations aux élèves et comment est-ce qu'on devient enseignant. C'est un film d'une demi-heure qui est pas facile à programmer. Moi, j'avoue que j'aurais voulu le programmer cette année à l'ouverture du festival, image par image, et j'ai fait le choix de Julienne, et donc parce que le film était long, et puis voilà. Mais c'est sûr qu'on le reprogramme d'une façon ou d'une autre dans le festival. On n'a plus le temps, évidemment, mais on va quand même juste parler d'une chose qui est quelque chose que tu as mis en place depuis un bout de temps. Est-ce que cette journée professionnelle, elle est ouverte à qui? Elle est ouverte à tout le monde qui veut venir, évidemment, des enseignants. On l'appelle journée professionnelle, mais elle est ouverte à des étudiants surtout. Là, cette année, compte tenu du sujet, on aura pas mal de lycéens qui participent à lycéens apprentis au cinéma de France, avec la CRIF, avec la région, ou des lycéens qui sont dans des options cinéma. On a pas mal de collégiens, mais qui sont dans le cadre de projets liés à des films d'animation qui sont en réalisation dans le cadre d'ateliers arts plastiques ou autres, qui viendront en fait sur toute une journée. Mais est-ce que les gens qui nous écoutent là, par exemple, peuvent venir? Alors, tout à fait. Le programme, le matin, c'est Sébastien Lodenbach qui viendra nous parler de cette formidable aventure qui est son long métrage, qu'il a commencé il y a un bout de temps maintenant et qui avance tous les jours, qu'il a avancé dans une résidence, enfin en Italie. Ça fait on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais venez, parce que c'est vrai que moi j'ai loupé malheureusement quand il l'a présenté à Fontevraud, mais c'est évidemment assez étonnant, c'est un cinéaste étonnant et en tout cas vraiment passionnant là de voir son parcours. Tout en haut du monde, visionnage de Tout en haut du monde, projection, plus joli, autour du monde, et l'après-midi, l'équipe amenée par Rémi Chaillet va parler, alors on va parler en détail de ce comment on fait un long métrage sur le scénario, sur la musique, sur l'animation, etc. Ça va être vraiment prendre un film et plus qu'un making-of, quelque part, ça va être vraiment, bah voilà. Si vous voulez tout savoir sur Tout en haut du monde, c'est le moment, quoi. Tout à fait. C'est un secret de fabrication. Comment... Mais long. Pardon. Ouais, voilà. Long. On ouvre le capot, comme on dit. Hein. Pardon. Merci pour l'expression. Ça, voilà. Et cette expression, ben, on va regarder sur l'écriture, sur la mise en animatique, sur la mise avant, évidemment, storyboard, sur les choix d'écriture, évidemment, sur les dialogues, sur la direction artistique, sur l'homogénéité et la diversité d'une équipe dans son excellence, sur un tournage qui est centralisé en France, hein, essentiellement, on va dire ça. Comment est-ce qu'on travaille avec un studio qui est Sacrebleu, qui a la gageure de produire son premier long métrage et qui a un coup d'essai et le coup de cœur, et en tout cas pour nous un coup de maître et un coup de cœur du festival, avec un cinéaste Rémi Chaillet, qui est quand même assez exceptionnel, issu de La Poudrière, hein, donc vraiment l'école de l'excellence de l'animation mondiale. Oui, ton école de l'excellence de l'animation. Pour moi, ouais, moi c'est, mais c'est un point de vue, mais tout. Oui, oui. Non, c'est intéressant de le dire. C'est voilà. Important. Et aux côtés de l'ENSAD, aux côtés de la Guédaille, etc. Il essaie de se rattraper. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais on a le droit. C'est ouais. Subjectif, hein, on a le droit de. Et qui a travaillé aux côtés de Tom Moore, hein, sur Brendan et le secret de Kells, qui a travaillé aux côtés de Jean-François Laguioni. Voilà, avec sur le tableau comme premier assistant réalisateur, et avec même, alors, le terme est pas beau, pardon, porosité, je sais pas, influence, en tout cas filiation, je sais pas, mais en tout cas camaraderie, compagnonnage entre Jean-François Laguioni et lui, où quelque chose, on trouve une forme à la fois d'originalité complète, hein, dans son univers, mais de parenté, quoi. Il y a quelque chose de troublant. Il y a pire que d'être en parenté cinématographique avec Jean-François Laguioni, quand même. Non, non, on a l'impression que tu t'essayes de pas, mais même Rémi Chaillet, qui est plus jeune, c'est plutôt un hommage, et c'est plutôt quelque chose d'exceptionnel d'être. Tout à fait, mais après, les artistes aussi ont leur propre univers, et cette porosité d'influence, elle est aussi diverse et plurielle d'autres. D'autres influences. Bon, 40 minutes de musique, c'était forcément avec Yves Bouvray, on pouvait pas faire autrement. Pas de coupure musique, voilà, j'espère que vous l'avez compris. De toute façon, pourquoi on a pris beaucoup de temps, c'est que je vous l'ai dit souvent à ce micro, je le dis sur The Web Anime, le cinéma doit beaucoup au festival. Moi, je dois beaucoup au festival. Heureusement qu'il y a des festivals pour voir des films. C'est vraiment extraordinaire. Déplacez-vous pour voir ces films-là. Ils sont souvent pas visibles. Certes, les longs métrages pour voir aussi les auteurs, mais vraiment les courts métrages. Profitez-en. Il y a rien de mieux. Je peux vous promettre, moi aussi, qui découvre les films sur des petits écrans d'ordinateur, parce que notre travail veut ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est beau juste de voir un film sur un grand écran, accompagné par des fois les réalisateurs qui viennent. Les réalisateurs d'animation, comme le disait Yves, sont souvent d'une humilité assez confondante et vont vous parler, enfin voilà, donc n'hésitez pas, je le fais pas assez souvent parce que c'est pas évident de le faire ici dans cette émission, mais voilà, mettre à l'honneur évidemment à travers Image par Image, on a parlé de Bruce et aussi tous les festivals, c'est important, envoyez vos films dans les festivals, allez-y, enfin aujourd'hui on peut pas tellement compter sur la télé, internet c'est fascinant, c'est passionnant, mais c'est noyé dans beaucoup de choses, il y a énormément de choses, un festival comme Image par Image, vraiment sincèrement, des gens comme Yves, et c'est pas parce qu'il est là, des gens comme Bayou, des gens Clermont-Ferrand, Antoine Lopez, Marcel Jean-Marco de Blois, Igor Prassel, enfin tous ces gens-là, vraiment, sincèrement, sont les gens qui permettent aussi de faire ce passage avec les auteurs. Donc merci à eux et merci à vous d'aller voir ces films là-bas. Ça leur permet aussi d'avoir un poids, parce qu'on sait que la culture, c'est pas évident, hein, aujourd'hui encore, à gagner de l'argent, et c'est compliqué. Donc ça leur permet d'avoir un poids aussi par rapport à la région, au CNC, etc., etc. Donc merci beaucoup à Yves d'être venu. On va passer, je voulais passer les trois accords tout nu sur la plage pour faire un petit coucou, parce que l'un des grands moments de 2015 pour moi était de retourner à Montréal et à Québec. Québec est sûrement l'un des plus beaux pays du monde, avec les gens les plus incroyables du monde. Tous ces gens, ça a été un bonheur total de voir tous ces gens et d'être invité, d'être, c'est il y a quelque chose de réconfortant et de chaud et d'agréable. Enfin voilà, c'est juste un bonheur d'être là-bas. Et là on va passer à l'autre musique. Peut-être que Brest n'est pas une ville incroyable, je n'y suis pas allé, mais la Bretagne avec le Québec est sûrement l'un des plus beaux pays du monde, l'un de ces pays qui reste encore à gauche, certes une gauche qu'on connaît, mais quand même qui vote encore, auquel il fait bon vivre, on se réveille le matin, on va voir la mer, etc. Donc c'est mieux sec Brest, et c'est juste pour, voilà, merci à la Bretagne d'exister. Vu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue, Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, plus la puissance. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre par la renverse. Que l'on délaisse la rue des Siam, ces nuits d'ivresse, ce n'est pas par manque de politesse, je sous l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe, mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espace? Nicolas nous disait à quel point en effet c'était pas terrible Brest. Donc je suis désolé, je le dis devant tout le monde, ça se trouve il a toute la famille, il a tout le monde, mais voilà. Non mais je suis sûr qu'il y a des endroits super chouettes quand même. Non, c'est vraiment allez, une belle un tellement beau pays cette Bretagne. Donc c'était bien sûr mieux sec. Je vais vous passer, alors au départ l'extrait fait 17 minutes, évidemment vous voyez qu'il est 47, donc on ne pourra pas passer les 7 minutes, on passera une dizaine de minutes, mais je voulais vous passer ce début d'interview qui est en anglais, sans sous-titres, on a la radio, mais qui est en anglais non traduit on va dire, c'est pour ça que j'en passe qu'un tout petit bout, je mettrai pour les plus passionnés d'entre vous évidemment l'interview qui dure en plus une heure et demie sur The Web Anime. Ça a été une très très belle rencontre et je prends un peu de temps même si on n'en écoute que 8 minutes, mais ça a été une très belle rencontre avec Adam Elliott. Adam Elliott c'est le réalisateur de Mary and Max, film sublime sur une petite fille en Australie qui correspond avec un vieux monsieur, un monsieur en tout cas d'un âge juif new-yorkais, et tous deux ont plein de problèmes dans la vie, ont plein d'angoisses, etc. Et ils correspondent comme ça. Adam Elliott, c'est le réalisateur d'Harvey Crumpet, Oscar du meilleur court-métrage, sur, pareil, un monsieur qui a plein de problèmes, immigré polonais, qui se retrouve en Australie et qui essaye de vivre, et d'une trilogie Uncle Brother, et ben ça y est, j'ai oublié le troisième, Cousine, pardon. Et qui, vous savez, c'est drôle, parce que des fois, vous aimez bien une œuvre. Moi j'adore Mary and Max, je pense que c'est l'un des films sous-estimés qui aurait dû être aux Oscars, qui aurait dû avoir vraiment plein de prix parce que c'est un film tellement merveilleux, et quand on ose me dire Moi, je me bats pour qu'il y ait des prix d'interprétation dans les festivals de cinéma d'animation. Moi, Marianne Max méritait largement le prix d'interprétation, tellement je pleure à chaque fois que je vois le film, et absolument, c'est merveilleux. Enfin, voilà, il y a le tombeau des Lucioles et il y a Marianne Max, je le dis vraiment. Voilà, donc c'est un film bouleversant. Et bon, des fois, vous aimez, puis vous dites, ouais, mais je sais pas l'auteur. Et d'un seul coup, il y a une rencontre. Et merci au Carrefour de l'animation. Je sais que vous voulez vous dire, ah là, il en rajoute sur les festivals. Non. Heureusement que le Carrefour de l'animation existe, il faut pas qu'il arrête, il faut que ça continue au Forum des Images, puisque grâce au Carrefour de l'animation, comme là, des gens vont rencontrer Raoul Servat image par image. J'ai rencontré Adam Elliott, j'ai traduit une ou deux de ses séances, quelques questions, et ça a été un vrai coup de cœur. Il y a eu un personnage, quelqu'un qui donne énormément, qui a travaillé pour le Cadavre Exquis, enfin, qui a donné son image pour le Cadavre Exquis, qui est passé deux fois à voir toutes les équipes, alors que les autres passent des fois à peine une seule fois, alors si Koji Yamamura est passé, mais là vraiment, qui s'est donné à fond, qui était là, qui était prêt. Moi, quand je lui ai demandé j'étais tellement passionné par ce personnage que je lui ai demandé à m'en donner une interview, et je me suis dit, bon, mais il a d'autres choses à faire, il est à Paris, il en profite, il est en Australie. Il m'a dit non, au contraire, j'adore, c'est important de parler de son travail, et encore une fois, il m'a plus d'une heure et demie, on a parlé, qui est presque une discussion, enfin, voilà, un vrai Hubert, je vous conseille. Alors voilà, souvent je le dis, je parle souvent de Théodore Huchef, Adam Elliott aussi, voilà, c'est des gens en festival, c'est un bonheur, parce que vous savez qu'ils vont passer deux heures avec les festivaliers, de parler et vous donner toute leur passion qu'ils ont, et il n'y a rien de plus extraordinaire. Donc voilà, donc merci au Forum des Images, à Isabelle Vanini, à Sylvie Porte, bien sûr, du Carrefour de l'Animation, à Diana Odile Lestage qui me donne la possibilité. On va écouter, allez, tant pis, 7 minutes seulement, de toute façon c'est en anglais, non sous-titré, ne zappez pas, on reviendra pour juste parler un tout petit peu à la fin, et puis pour le générique de fin, c'est Adam Elliott, et je vous promets l'heure et demie de toute façon sur The Web Anime. Donc on écoute, interview Adam Elliott, à tout de suite. So, hello, thank you so much. Thank you, Alexis. Thank you for having me. No, my pleasure. It's a pleasure to have the 3 days with you. Do you like that kind of thing? Retrospective and talking and everything? Well, you know, I have a problem with the word retrospective. It makes me feel like my career has ended or I've retired. And so I prefer the expression mid-career analysis. And do you... you saw all your film again. Did you like your mid-career analysis by yourself? I mean, well, you know, I think rewatching my films is a bit like returning to the scene of a car accident. You know, I always look at the negative side of it. You know, with my films, I mean, yes, it's good you learn from your mistakes, but returning to your mistakes, seeing the mistakes up on the big screen in front of an audience. You know, it is hard to rewatch the films, but I think it's important that filmmakers rewatch their films, because you start to begin to see a broader picture of why you're making films, how your films have evolved and changed over the years, and also then where you're heading. And it's funny, because when you show Uncle, we begin with Uncle yesterday, and you said there is mistakes, but almost all your style, is there. All your obsession and a lot of things are already in the film. Yes, I mean, it's funny when you look at other filmmakers' films and the trajectory they've had, and you often see that their style has transformed completely. But I look at my films and I think, gee, they're pretty much the same. They're all very similar, and they don't seem to date much, which is good, which is great, but... They're still very lumpy. They're very crude in the sense of very basic. They're very minimal. Very muted colours. They're all narrated, of course. They're all narrated. So I wonder, am I repeating myself with each film? And I used to think that was a bad thing. But now I think, no, I think it's good to repeat yourself. You're sort of, with each version of the film, you're honing your skills a bit. So... as long as it doesn't become boring and tedious for the audience, I think it's okay to retell the same story over and over. And you said with Brother and Mary was the two characters, where actually it was you. So maybe that's why it's not so boring. It's you take things from around you, your life, and you're just making them again, but in different ways. Yes, well, I think, my films are very autobiographical. I mean, they're not... they are works of fiction and they're embellished, but they're all based on real people. But often the protagonists are alter egos. They are versions of myself and my beliefs and my struggles in life. And I think I've realized over the last 20 years that my lead characters are all archetypal underdogs. They're characters who are perceived as the other. You know, they're people who are either marginalized or misunderstood, or, you know, they often have an affliction of some sort, and they certainly are imperfect characters. But I've realised over the years that the word imperfect is a term I actually use for everybody, including myself. I think everyone's got a fundamental flaw, whether you know, some people hide their imperfections, of course, but I think what I'm trying to say with all my films is to embrace your own imperfections, embrace other people's imperfections, and hopefully it'll make us all get along a bit better. One of the most incredible characters in your film is the daughter of Avi Krampetz, Ruby, because she has this little, huge flaw, of course, for somebody who doesn't have an end, but who's got such a great career. Yeah. And I think when you just have a little flaw, not as this one, but yeah. I don't know, I feel compelled to her. I mean, I understand. I said, oh, she's kind of a role model for everybody. Yes, well, actually, Ruby is very much like the lead character in my film, Cousin. He has cerebral palsy. Ruby has thalidomide. Yet both those characters always have the most enormous smiles on their faces. They have this zest for life. And in many ways, what I'm trying to say with those characters is that often people who do have a very dramatic imperfection, I don't use the word disability, but something that, you know, is an obvious imperfection, in many ways they embrace life in a greater way than people who don't have imperfections or who have smaller imperfections. So I really want to, in that film Cousin 2, I really want to say to the audience, look, yes, my cousin had cerebral palsy and he had a lot of things he had to overcome in life, but really the person who was at most disadvantage was myself. And I had a very, very normal upbringing, happy childhood. But compared to my cousin, I didn't have that zest for life and that passion. So that's what I'm sort of trying to say with both those characters, yeah. It's funny because it's... Ok, donc c'était vraiment juste très très court, hein. Désolé, je vous promets que, alors notamment pour tous les gens qui sont étudiants d'animation, mais qui commencent l'animation, même qui aiment ça, c'est et puis même les autres, comme vous l'avez entendu, l'accent d'Adam Elliott est peut-être pas évident quand on comprend pas bien l'anglais australien, mais voilà, mais c'est passionnant. Je mettrai l'heure et demie et ça a été un vrai bonheur de discussion et de dialogue avec ce grand monsieur. Encore merci Yves d'être passé. Merci à toi. À Bulle de Rêve, allez voir évidemment. Et donc, festival Image par Image, allez voir le site, c'est du 12 février au 5 mars. Voilà, précipitez-vous en salle. Nous, on se retrouve, donc la prochaine émission va être enregistrée là dans quelques temps à Clermont-Ferrand. Je ferai peut-être pas 2 heures et on viendra, on fera notamment un regard critique. Et je laisse la parole pour le générique de fin à qui d'autre, c'est tellement important, Bobby Lapointe avec Saucisson de Cheval 2. C'est bien de prendre la vie aussi avec plein de calembours, il n'y a rien de mieux. Allez, à très vite, bye bye. Et c'est reparti, encore du saucisson de cheval que je vous ai dit, belle dame aux yeux de biche et à la bouche plus purine de cheval, sur le coup de 5 heures de cheval, je vous invite ma chère de cheval, à m'assipas les os de cheval, c'est là que j'habite. En banlieue, vous goûterez mon flanc de cheval et je vous ferai monter à cheval. Nous serons en groupe de cheval, de copains, copines. Très sympa. Si, venez. Je vous ferai des gâteaux de riz. J'ai acheté des œillères de cheval, mais il faudra les trier de cheval, parce que je pense le cheval, canards sont pas frais. Je n'ai pas de sel de cheval et je les fais pas cuire de cheval, je les bats pour faire manège de cheval, mon petit entre mes doigts de pied. Et pendant que je cuisinerai, vous me ferez quelques bricoles de cheval, faudra que vous me colliez de cheval, du mastic aux sangles de cheval, des angles, des carreaux de cheval, pour être à l'abri de la bise. La bise, moi, je la crains. De cheval, quoi, ça vous épate? De cheval, je vous jure que je n'aime pas le froid. Que je sois damné si jument. C'est idiot, damné si jument. Dans une... Sur vous, cette fille déjà bas. De cheval, réclame du torboyau. De cheval, et pour qu'on la cervelle. De cheval, va nous faire un trip. Dise, mets-toi dans toute nue. De cheval, mais sois pas ridiculote. De cheval, ton slip, oh, tu me bottes. De cheval, on va faire la bombe. Ouh. Oh, là, putain, n'importe quoi, hein. N'importe quoi. Dans votre petit homme. De cheval, j'ai vu, c'est infâme. De cheval, ma belle-mère de grâce. Près de Nice et votre père de houille. En banlieue, oh là, c'est mon charrette. Non, là, c'est mon charrette. Oh là là, oh là, j'arme. De cheval, non, non, non, c'est trop mon charrette. De cheval, arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête d'hippocampe. Et c'est ainsi que le cheval devint le manager du champion de tennis, car il poussait un grand tennisman. Eh oui, le manager du champion de tennis, il poussait un grand tennisman. C'est très drôle, c'est très amusant. C'est amusant, si c'est amusant, je vous l'assure, c'est amusant.